Il est 6h25 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as décidé de prendre un autre micro, Julie? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Pardon, mais tout est mélangé ici, donc j'avais pris le mauvais casque et le mauvais micro. C'était la merde. Oui, ok, oh, d'accord. Bah, ça commence et c'est vrai que je le trouvais vachement souple, tu vois. T'as vu, un peu plus. Et là, je reviens à mon vieux machin. Ouais, okay, c'est plus bon. Sympa, mais tu me prends celui-là si tu veux. Moi, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est très si très ça bien. Ça peut te rendre service, te faire plaisir. Mais tu es tellement gentil ce matin, oui, tellement c'est vrai. Bon. Que se passe-t-il? Bah écoute, je ne sais pas, peut-être que c'est vendredi. C'est le fait de savoir que la police va arriver. Oui, exactement. Essaye d'avoir l'air un peu gentil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me suis habillé en pingouin aujourd'hui, j'ai un costard. Tu as un costard? Oui, je suis venu pour la police. Ah oui, d'accord. Pour la police avec le costard, comme ça au moins, parce que j'ai des PV à faire sauter, donc. Donc tu vois, on va caresser dans le sens du poil. Là, parce que on la a police, tous des PV à faire vrai. Sauter. La police vient de déposer le petit déjeuner normalement aujourd'hui. On va voir si on peut faire confiance au service de l'ordre. Ah oui, ce sera la bonne surprise. Ouais. Tiens, en tout cas, 6h26, Toff, et je sais pas où il est, mais il est arrivé, hein, mais je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, hein. T'as passé une bonne nuit sinon? Oui, j'ai passé une très bonne nuit. On devrait faire comme sur les radios de vieux. Vous avez passé une bonne nuit, aujourd'hui. Et vous, Mickaël, comment était votre nuit? Ma foi, fort sympathique. Fort sympathique, mais le réveil était difficile, non? Le réveil fut un peu pénible, effectivement. Oui. Merci de vous en inquiéter. Mais je vois ça à vos petits yeux. Ouais, on se ferait vite chier quand même. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ah, on se ferait vite chier. Et puis bon. On ferait, le week-end, tu fais quoi? Qu'avez-vous prévu pour ce week-end avec ce soleil radieux qui est prévu? Oui, très très beau week-end qui nous attend. J'en parlerai dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Un indice? Non, pas du tout. Justement, pas du tout. Le problème, c'est que tu n'as pas de bruitage de soleil. Donc forcément, tu nous mets que de l'orage. Difficile à mettre un bruitage de soleil. Si j'ai bien ça. Ah voilà, exactement. Voilà. Mais c'est bon, forcément, c'est moins bien pour la radio. Hein. Enfin bref. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, on salue ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook, qui sont là aussi, facebook.com/mickaëlofficiel. Ce matin du lourd, puisque nous aurons toujours le double fun de Britney Spears, qui vous permettra de vous inscrire et aussi de repartir avec le nouvel album de Britney Spears et surtout gagner les places pour aller voir le concert de Britney Spears, assister au concert de Britney Spears à Paris, tout frais payé. Ce sera au 6322 en débutant par Star. Dès que vous entendrez un double fun de son d'affilée de Britney Spears. Nous aurons bien sûr la ligne anti-relou, ça va arriver tout à l'heure. On remboursera vos factures comme chaque matin, ce sera dans une demi-heure également. Là aussi pour les inscriptions, c'est le 6322 en débutant le message par facture. On a quand même fait péter une belle facture de 165 euros hier pour un paiement d'un cote d'un étudiant à Louvain-la-Neuve. Ah ouais, la mer était surexcitée. Oh là, dans un état de ouf. Bon, et puis là, écran plat à vous faire gagner. Profitez-en pour les écrans plats, parce que normalement la semaine prochaine, on aura autre chose. Nous aurons autre chose la semaine prochaine. Voilà, j'en dis pas plus, mais nous devrions avoir autre chose. Écran plat cette semaine, donc jusqu'à aujourd'hui, écran plat ou place pour le parc Astérix. Si vous avez la réponse à la petite question, à la petite devinette qui colle, avant sa découverte en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Un peu d'histoire et de géo ne fait pas de mal. Peut-être à 6h28, oui, enfin ça fait un peu mal. Cherchez pas trop loin non plus. Hein. Non, c'est vrai. Mais enfin bon, un si petit peu d'histoire. Si Toff doit pouvoir la comprendre. Ouais, c'est vrai. Enfin, il est pas là pour le savoir. Mais bon, il sera là dans 5 minutes. Donc, avant sa découverte en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Si vous avez la réponse, 6322 par SMS, 1€ le message. Vous gagnerez peut-être un écran plat. Écran plat donc, et place pour le parc Astérix. 6h28, dans un instant, c'est l'info sur Fun Radio. Et le son d'LMFAO également. Avec Champagne Shower, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Bon réveil, c'est vendredi. C'est la bonne nouvelle du jour. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. 6h30 sur Fun Radio, je vous rappelle la petite devinette qui colle. Hein. Vous avez un peu de mal ce matin à trouver, je vais vous donner, je vais pas vous donner un indice, mais je vais reformuler ma question. Avant la découverte du Mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Et comme Julie vous l'a dit tout à l'heure, ne cherchez pas trop loin. Mais vraiment pas trop loin. Écran plat à gagner et place pour le parc Astérix. Si vous avez la bonne réponse, 6322, débutez le message avec cette réponse. Justement, avant la découverte du mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Vraiment, ne cherchez pas trop loin. 6h30 sur Fun Radio, place maintenant aux infos. Salut à tous, les négociateurs se sont quittés hier soir à 1h du matin. Ils planchent toujours sur la loi de financement et ça coince. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations, tandis que le rendez-vous entre Elio Di Rupo et Yves Le Terme concernant le budget 2012 a été reporté à plus tard. Et dès janvier 2012, le système des gardes médicales va changer pour les 370 000 Wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Et désormais, les patients malades ne feront plus appel à leur médecin de famille pendant les périodes de garde, donc le week-end, la nuit et les jours fériés, mais ils devront se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste de garde médicale existe depuis plusieurs mois ou années en Wallonie et en Flandre, mais la future réorganisation est marquante car elle touche 61 communes. Les bourses ont une fois de plus chuté. Les bourses internationales étaient en forte baisse en fin de journée hier. Chez nous, le Belvin perdant 5%, plus mauvaise journée depuis octobre 2008. Face à cette situation, 6 pays du G20 appellent les pays de la zone euro à agir, tandis que la Banque mondiale pointe la menace d'une récession. Colère et fronde sociale en Grèce face aux nouvelles mesures d'austérité. Situation exceptionnelle. Athènes était privée de tout transport public, ainsi que de taxis, opposés à un projet de libéralisation du secteur, tandis qu'enseignants et employés municipaux avaient également prévu des arrêts de travail toute la journée hier. Ces mouvements sociaux reflètent la colère, l'incrédulité et la consternation de la population grecque devant le nouveau tour de vis annoncé la veille par le gouvernement. Alors qu'en Irlande, la reprise se confirme à contre-courant du reste de l'Europe. L'économie irlandaise a enregistré une croissance de 1,6% au deuxième semestre, confirmant ainsi le rebond du pays après une grave crise financière et budgétaire qui avait obligé Dublin à faire appel à l'aide internationale. Oui, international, voilà. Dans le monde, il y a plus d'obèses que de maltrutis. La Fédération internationale de la Croix-Rouge a mis en avant un phénomène étonnant au niveau de la crise alimentaire mondiale. Mais ce qui apparaît comme une bonne nouvelle, a priori, est en réalité à double tranchant. La disparité entre populations trop riches et populations trop pauvres ne fait que croître dans un contexte de crise alimentaire. Elle est aussi dangereuse. On dénombre ainsi aujourd'hui 1,5 milliard d'obèses contre 925 millions de maltrutis. De plus, l'obésité est elle aussi une maladie à part entière et elle doit trouver une réponse urgente, tout comme la malnutrition. Et puis enfin en sport, tennis, Xavier Malisse s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Metz en France. Et il s'est imposé en 2 manches face au russe Igor Kunitsin. En quart, le numéro 1 belge sera opposé à l'ukrainien Alexander Dolgopolov, 20e mondial. C'est difficile à dire. Pas facile. Très difficile à dire. 6h33 sur Fun Radio. Après la dissipation des nappes de brume et de brouillard, c'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui. Pas du tout, pas d'orage. Je l'ai attendu hier, toute la journée, le soleil. Hein. Les nuages seront plus nombreux. Bah, si, il y avait des éclaircies, j'ai parlé d'éclaircies. Alors, on va se calmer. Ouais, les nuages sont plus nombreux sur le nord du pays dans la soirée. Température jusqu'à 19 degrés. Tenez-vous bien ce week-end, il va faire beau jusqu'à 23 degrés dimanche. Et on annonce quand même jusqu'à 27 degrés lundi. Oh là là là là là là, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Nous allons rentrer dans l'été là? Ça pourrait être pas mal, hein. Ça le début bien, de l'octobre ça sera l'été, mais peut-être que tout va être décalé. Bah peut-être que tout va être décalé. Ou tout à l'envers, tu vois. On aura de la neige au mois de mai. C'est possible. Mais écoute, pourquoi pas. 6h34 sur Fun Radio. L'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. C'est maintenant toujours avec Julia Baronne. Alors je pense que vous devez certainement être au courant de cette information. Tof, tu dois bien savoir qu'un satellite grand comme un bus va retomber sur la Terre aujourd'hui. Mais oui, je le sais, je le sais. Oui, ça va tomber. On ne sait pas encore. Alors comment ça va tomber en Belgique. Moi, je vous le dis, ça va tomber en Belgique peut-être. Ouais. Il faut savoir que l'espace est un peu une grande poubelle aussi. Ah oui, hein, bah, donc, ça... à un moment donné, les détritus, comme ce satellite géant, bah, il retombe à un moment donné sur la Terre. Et difficile. Vous voulez envoyer un aspirateur géant? Oui, mais ils n'ont pas réussi. Hein. Ouais, c'est con. Hein. Difficile de savoir où et à quelle heure l'engin va arriver, mais selon la NASA, il n'y a que 0,03% de risque qu'un humain soit touché par cette pluie mécanique. Oui, mais il y a quand même un risque. Hein. Ça va tomber en Belgique, moi, je vous le dis. 0,03%. Bon. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, si vous êtes témoin des pièces métalliques qui vous tombent sur la tronche, n'hésitez pas à nous le signaler. Hein. 30-44, bien entendu. Bon, je vous répète aussi la petite devinette qui colle. La devinette qui colle que j'ai lancée ce matin, je vais y arriver. Avant la découverte du mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Ne cherchez pas trop loin, ce n'est pas le Mont Blanc. Il y a peut-être même un indice dans la question. C'est pour vous dire à quel point qu'il faut vraiment pas chercher loin. Ou la réponse. Oui, ouais. Oui, c'est par exemple, c'est vrai aussi. Bon, allez, 63-22, si vous avez la bonne réponse, 1€ le message et surtout écran plat et place pour le parc Astérix à gagner. 6h35, c'est les MFAO maintenant et Natalia Kills. Et petite information rock'n'roll également, puisqu'aujourd'hui ça fait 20 ans que Nevermind est sorti pour la première fois. Nevermind, donc c'était l'album, le premier album, enfin pas le premier, mais le premier qui a cartonné en tout cas de Nirvana aux États-Unis. Voilà, petite. Oui, non, il faut le dire. Tu fais plaisir là. Hein. Bah, je me fais pas plaisir, sinon je le mettrais. Mais sinon, oui, tu non, mais pas, il faut le dire. Dans la prog. Il faut le dire. Bon, je l'ai mis il y a pas longtemps, mais c'était le soir quoi. Ouais, bah, c'est... Ah oui, bah voilà. Bah oui. Bon, forcément. Bref. Bon, parlons de tout à fait autre chose maintenant. Ce n'est pas les 20 ans, mais en tout cas ça cartonne tout autant puisque c'est Lady Gaga. Oui, alors enfin, est-ce que. Gaga, est-ce bon. Que le nom Nathalie Germanotta te dit quelque chose? Nathalie Germanotta. Germanotta, c'est le nom de Lady Gaga. Oui, tout à fait. Et Lady Gaga, à la base, sœur, s'appelle Nathalie. Stéphanie. Stéphanie Germanotta, oui, c'est ça. Ça, c'est Lady Gaga. Et bien, Nathalie, c'est sa sœur. Elle a une tronche aussi ravagée qu'elle ou pas? La petite sœur. Bah, c'est-à-dire qu'elle s'arrange un peu moins. Donc, d'accord. Elle se, oui, je veux dire, elle se déguise un peu moins, donc elle a l'air un peu plus normale. D'accord, c'est déjà ça. Même si elle a aussi son petit style. Hein. Ah oui, bah, ça m'étonne pas, et ça donc, doit être de la famille. Hein. C'est la petite sœur de. Bah, justement, on va en venir. La petite sœur de la chanteuse Lady Gaga, donc Nathalie, eh bien c'est un petit peu elle qui est la clé du succès de Lady Gaga. Pourquoi ? Parce que c'est à elle que Lady Gaga lui a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour aller fonctionner un peu ? Est-ce que je dois m'habiller de façon classique ? Ou alors est-ce que je peux la jouer à fond, complètement décalée ?» Et c'est sa sœur Nathalie qui lui a dit « Vas-y, joue-le à fond, complètement décalé. » Et on pense que le succès vient un petit peu de là. C'est pour ça aussi qu'on parle tout le temps de Lady Gaga. Ce sont pour ses tenues complètement décalées, complètement débiles. Ouais. Et donc ça viendrait juste de ça. Oui, mais bon, et ça viendrait de sa sœur. Oui, bon, enfin, il y a aussi le talent. Oui, voilà, d'accord, il y a aussi le talent. Mais c'est la sœur hein, qui dit ça dans la presse. Hein. Elle dit qu'elle est elle-même un petit peu la clé du succès. Ah oui, donc d'accord, oui. Donc elle s'automasturbe, quoi, en fait, un petit peu. Hein. Oui, enfin bon, elle a pas tort. Il y a aussi un côté, le côté marketing autour de Lady Gaga. Bah, ça vient aussi de sa façon de s'habiller. Et bien, c'est sa sœur qui l'a inspirée. Si ça se trouve, hein, personne n'aurait fait attention à elle. Hein. C'est possible, au final. Eh bien, peut-être. Mais on ne saura jamais, et ça, c'est dommage. Ah oui, ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. 6h41 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures, ce sera dans 20 minutes, 63-22, vous débutez par facture. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous rappelle, c'est aussi simple que ça, cherchez pas plus loin. Vous mettez facture dans le début de message avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis dans un instant, on vous appellera également, ce sera dans 10 minutes, pour vous filer votre écran plat ou vos places pour le parc Astérix à la réponse. Si vous avez la réponse à la question suivante, c'est vendredi aujourd'hui, hein, je vais peut-être y aller moi. Avant la découverte du mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Ne cherchez vraiment, mais vraiment pas loin. D'ailleurs, les Alpes, c'est beaucoup trop loin. Quelqu'un qui avait proposé, c'est Anissa qui avait proposé. Le Mont Blanc, oh là là, cherchez pas non plus là-bas, c'est beaucoup trop loin. La réponse a été dite. Oh, bah on peut dire que la réponse est dans la question. Oui, bon, enfin bon, là, oui, bah alors là, autant la donner la réponse. Mais quoi, mais j'aide. Ah, j'aide les auditeurs. Ça y est, c'est fait les données. Je suis là pour distribuer des cadeaux. Bon, bah 63-22, donc avant la découverte du Mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Bonne réponse au 6-3-2-2, c'est 1€ le message. Et dans un instant, restez bien là, puisque la Swedish House Mafia qui va arriver avec Save the World. Et puis on fera un tour du côté de la Nuit en Tyrolou également. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, 6h46, faisons un tour du côté du trafic maintenant. Est-ce qu'il se passe déjà quelque chose sur les routes? Eh bien oui, accident sur le 411 Luxembourg-Namur en direction de Bruxelles à hauteur de Reisten. Attention, la chaussée est fermée, la circulation est à l'arrêt. Eh bien, il est conseillé aux usagers d'emprunter la N4 pour se rendre vers le Luxembourg. Et puis accident sur l'A12 Anvers en direction de Bergen-op-Zoom, donc c'est en direction des Pays-Bas à hauteur de Ekeren. Et c'est la bande de gauche qui est obstruée. Très bien, bon, et si vous êtes témoin un problème sur les routes, n'hésitez pas à venir nous en parler également. Problème, accident, bouchon, radar, vous nous sur dites tous les radars. Sur les radars, c'est toujours bon à savoir. Vous nous le dites au 3044, comme ça nous après on peut évidemment transmettre à tous les auditeurs de Fun, et c'est 50 centimes le message. Si vous avez un smartphone, vous pouvez bah aussi nous envoyer un mail, et du coup c'est gratuit. Ça se passe donc sur mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Exactement, c'est tous les matins que ça se passe, 7h-, 8h-, et 9h-. Les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Et ce qui est bien quand on arrive au vendredi, c'est qu'on sait que lundi, le répondeur sera blindé, puisque bah forcément les filles sortent plus le vendredi, le samedi, le dimanche, et c'est donc ça. Forcément ont plus de risques ou de chance, non de risque. De risque. De tomber de rencontrer sur... un relou, c'est un risque. Ouais, hein. De tomber sur un relou. Et donc, quand vous allez tomber sur ce relou qui va vous prendre la tête, à vouloir absolument avoir votre numéro de téléphone, vous revoir, etc., pour en être débarrassé, eh bien, faites semblant de lui donner votre numéro, sauf que vous donnez le nôtre. 0473 86 00 13. On va écouter les premiers messages de ce matin. Écoutons ça. Salut, je m'appelle Thomas Dupont. Encore ? J'ai 18 ans. J'ai envie de toi. On l'a déjà eu, celui-là ? Ouais. Tu me suis couru dans les messages ou. Bah non, pourtant, non, attends. Et bonsoir, Jessica. Écoute, ça fait 3 vendredis que tu me plantes. Rappelle-moi parce que tu sais bien qu'avec mon handicap, je ne sais pas faire mon traitement. Alors, s'il te plaît, rappelle-moi. Ça, c'est les messages liés. Oui, mais il y a marqué vendredi dessus. C'est les messages de vendredi dernier, je pense. Non, c'était celui hier. C'est bizarre, ça tient, dis donc. Bon, c'est pas grave, pour ceux qui n'étaient pas là, on va le remettre et puis on mettra les nouveaux après. Oui, bonjour, José, c'est André. Oui, c'est André, j'ai mis aussi. Voilà, quand c'est hier, tu m'as donné ton numéro. Je ne comprends pas pourquoi c'est une femme sur la messagerie. Je pensais que tu étais homosexuel comme moi, mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Je te fais quand même de gros bisous, mais si tu as envie de changer de bord, tiens mon numéro. Allez, au revoir. Bon, bah, c'était les vieux messages. Je ne sais pas pourquoi ça c'est les vieux messages. Oui, mais c'est sûr, bon de réécouter aussi. Non, mais oui, ça s'appelle un bug. Non, bah oui, ça a dû être un bug, effectivement. Bon, enfin, c'est pas grave pour ceux qui l'ont pas entendu, parce que tous les gens ne sont pas forcément là tous les matins non plus. Eh bien, donc, c'est voilà. Bien dommage. Eh bah oui, c'est bien dommage. Je ne te le fais pas dire. On remettra d'autres messages tout à l'heure à 8h moins quart. Ce sera dans moins d'une heure sur Fun Radio. Restez bien là. Et puis, je vous repose toujours la petite question devinette qui colle pour repartir avec l'écran plat ou avec deux places pour le parc Astérix. Avant sa découverte, avant la découverte du mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde ? On proposait le signal de votre ange. Non. Oui, c'est pas mal. C'est une idée, c'est mais pas ce mal. N'est pas il ça. C'est un peu tassé depuis. Ouais, hein. Bah, vachement même. Hein. L'Himalaya également, non, c'est pas ça. Sinon, il y a quand même quelques bonnes réponses, évidemment, qui sont arrivées. Quelques bonnes réponses qui sont un peu plus lucides et un peu plus ouvertes à ce qu'on dit, puisque ne cherchez pas trop loin, tout est dans la question. Je n'en dis pas plus. Allez, les bonnes réponses au 63-22. C'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Et on écoute la Swedish House Mafia maintenant à 7h10. Save the world sur Fun Radio. Il est 6h53 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'était la Swedish House Mafia à l'instant avec Save the World. Tous les matins, on est sur Fun Radio. Avec la réponse dans un instant, on appellera quelqu'un en direct pour lui offrir l'écran plat ou tout simplement les deux places pour le parc Astérix. Ce sera dans quelques instants. Alors... Quelqu'un qui a écrit la réponse, mais d'une manière, c'est quand même exceptionnel. Attends, il faut que je vois ça. C'est le dernier message qui vient d'arriver. Ah oui, là. Oui, c'est assez... Donc, avant la découverte voilà, du mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde ? Ne cherchez pas trop loin, tout a été dit à l'instant. Bon, Toff, c'est le matin, forcément, c'est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine, et tu vas appeler qui ? Bah écoute, comme Julie m'a dit que le satellite allait tomber, je me suis dit que le satellite allait tomber en Belgique aujourd'hui. Non, mais il y a peu de chances qu'il tombe sur l'Europe, le satellite. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, moi, j'ai quand même envie de dire aux gens qu'il va tomber sur leur maison. Ah oui, d'accord. Ben forcément, ça va les faire flipper en théorie. En théorie. Bon, bah écoute, c'est parfait. On va appeler qui ? On va appeler qui ce matin ? J'ai trouvé une très belle ville. Je ne savais pas qu'elle existait en Belgique. Dis-moi. La ville de Beaussin. Oh, les Beaussins. Ah, oui. Ça, c'est bizarre. Comment on appelle les habitants, les poitrines ? Je ne sais pas. Oh là là. Sais pas. Oh. Bah, tu les appelles comment ? Les habitants de Beaussin, tout peut-être, simplement. Peut-être, ouais. Bon, ben on va les appeler maintenant. Fort. Bien sûr, on va les appeler maintenant. Je sais pas où c'est, mais on va les appeler. Allez hop. Ça dort, hein, ce tour-ci. Allô ? Allô, monsieur ? Monsieur, faut pas rester chez vous ! Monsieur ! Allô ? Oui. Allô, il y a le satellite, il va tomber chez vous. Il va tomber chez vous, il va tomber sur votre maison. Faut pas rester chez vous, faut sortir, monsieur. Merci. Ah, lui, son rang, là, par contre, hein, si je peux me permettre. Voilà. Ah, mais il est pas très réveillé, je pense. Il est même pas 7h du mat. Tu les arraches de leur lit, quoi. Ah, attends, le mec, je suis en train de lui dire, ça va tomber chez toi. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur. Il a l'habitude d'avoir des tarés qui l'appellent. Il n'avait pas l'air spécialement ouvert, mais ce n'est pas grave. Si vous avez d'autres numéros, on essaiera tout à l'heure d'autres numéros, là, d'autres personnes. Si vous pensez qu'on peut arriver à rendre fou quelqu'un dans votre coin, n'hésitez pas à nous le dire, en fait, tout simplement. 63-22 par SMS, 30-44, pardon, par SMS, 50 centimes le message, ou alors sur mikael@funradio.be. Et si on prenait quelqu'un, le gagnant ou la gagnante, maintenant, pour la réponse à l'énigme qui colle. c'était la suivante. Avant sa découverte en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? On va appeler quelqu'un maintenant. Attention, ça ne sonne pas. Et c'est bien malheureux. Mais si, ça sonne. Ah, voilà, maintenant ça sonne. Magnifique. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je t'appelle Giuseppe. Je crois qu'il avait dit je sais pas. Oui, non, je merde, sais pas, je suis sur qui ce matin. Bon, Giuseppe, t'as quel âge, dans quelle ville? 23 ans, Tubize. T'appelles de Tubize, c'est parfait. Alors, Giuseppe, tu as la bonne réponse. Toi, tu es un des rares, car oui, il faut le dire, il y avait peu de gens qui avaient la bonne réponse. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Avant la découverte du Mont Everest en 1852, quel était le plus haut sommet du monde? Mont Everest. Eh ben le Mont Everest, il a toujours été le plus haut du monde. Voilà, c'est ça en fait, tout simplement. Juste qu'on ne le savait pas encore. À l'époque, on ne le savait pas encore, effectivement. Bon, ben Giuseppe. Quand tu arrives en haut du Mont Everest, tu descends l'Everest. Oui, c'est ça. Bon, ben merci, Toff, pour cette petite vanne. Je et vous puis, en prie. Giuseppe, bravo à toi. Tu retournes au standard dans un instant pour. Bon, on va te filer tes cadeaux, évidemment. Tu fais quoi dans la vie, Giuseppe? Ben, je travaille dans l'informatique. D'accord, ok, donc t'es glandeur quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. À 7h du matin au sort. Ah ouais, ouais, c'est ce que je disais, donc un peu glandeur. C'est, hein. C'est le roi des sites porno. Hein, mais, c'est exactement. Il les a tous craqués. Ah ouais, il connaît tout, hein, y a pas de problème. Bon, bah merci à toi en tout cas, Giuseppe, tu reviens quand tu veux. Merci à vous aussi. Salut, salut. À bientôt, ciao. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. Tiens, on va se faire la petite question qui colle aussi dans quelques instants. On va le faire maintenant. Tiens, en Italie, est-ce que coucher avec deux sœurs est un délit? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas là non plus à nous le dire. 63-22. En Italie, est-ce que coucher avec deux sœurs est un délit? Imaginez quand même le mec qui est à la tête du pouvoir italien, hein, ça vous donnera peut-être une idée. Oui. Bah oui, oui, au niveau du truc sur la liste. Voilà. Il viole le show, tu veux dire. Exactement, oui, tout à fait. Donc, si vous avez... Et ces soirées, bonga bonga. Bonga bonga. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22 là aussi, c'est un euro le message. Et il y a des cadeaux pour vous, évidemment. En Italie, est-ce que coucher avec deux sœurs est un délit? On attend vos réponses et on se fait l'info dans 10 secondes. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors, Dieu. Comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. 6h58 sur Fun Radio, passons à l'info avec Julie Labaronne. Salut à tous, toujours pas d'accord sur la loi de financement. Les négociateurs se sont quittés hier soir à 1h. Francophones et flamands s'affrontent encore. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations sur l'autonomie fiscale et la loi de financement. Tandis que le rendez-vous entre Elio Di Rupo, le formateur, et Yves Leterme, le Premier ministre démissionnaire concernant le budget 2012, eh bien ce rendez-vous a été reporté. Il devait se voir aujourd'hui afin de définir le partage des rôles dans la confection du budget. Le gouvernement déposera au Parlement un projet de budget pour le 17 octobre plus tard, date du prochain sommet européen, d'après Yves Leterme. Dès janvier prochain, le système des gardes médicales va changer pour les 370 000 Wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Et désormais, les patients malades ne feront plus appel à leur médecin de famille pendant les périodes de garde, c'est-à-dire le week-end, la nuit ou les jours fériés, mais ils devront se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste de garde médicale existe depuis plusieurs mois ou années en Wallonie et en Flandre, mais la future réorganisation est marquante car elle touche quand même 61 communes. Les bourses ont une fois de plus chuté. Les bourses internationales étaient en forte baisse en fin de journée hier. Voilà, ils sont contents. Voilà, je l'ai fait. Ça y est. Bravo, ça y est, je l'ai fait. 7h pile, il faut. Voilà, hein. Voilà. Chez nous, le Belvin a perdu 5%. Plus mauvaise journée depuis octobre 2008 face à cette situation. Le G20 promet une réponse forte à la crise et de soutenir la croissance. Il promet également d'assurer que les banques disposent d'un capital adéquat. Alors, en Irlande, la reprise se confirme à contre-courant donc du reste de l'Europe. L'économie irlandaise a enregistré une croissance de 1,6% au deuxième trimestre, confirmant ainsi le rebond du pays. À 17h35, heure belge, le président palestinien Mahmoud Abbas remettra la demande d'adhésion à l'ONU d'un État de Palestine. Malgré toutes les pressions, en particulier américaines, pour l'en dissuader, le président français a appelé lui l'Assemblée générale à accorder à la Palestine le statut intermédiaire d'État observateur à l'ONU, parallèlement à des négociations israélo-palestiniennes pour parvenir à un accord de paix définitif. définitif d'ici un an. Et puis enfin, sport, tennis, Xavier Malisse s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Metz en France. Il affrontera donc en quart l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 20e mondial. Mais je te rassure, tu n'es pas la seule. Et Tristan Bannon, qui a par ailleurs reçu une nouvelle fois le soutien de Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissa Toudialo. Il est revenu aujourd'hui sur l'intervention télévisée d'hier soir de Dominique Strauss-Kahn. Pour lui, il s'agit d'une interview biaisée, un coup de com' voilà. Plus qu'une réelle confession. C'est facile de déraper. Je suis rassurée, je ne suis pas la seule. Oui, tu n'es pas la seule. Allez, passons la météo à 7h01. Après la dissipation des nappes de brume et de brouillard, bonne nouvelle, c'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui, même si les nuages seront un petit peu plus nombreux ce soir sur le nord du pays. Température jusqu'à 20 degrés. Ce week-end, il va faire beau avec 23 degrés dimanche et tenez-vous bien, jusqu'à 27 degrés lundi. Oui, mais l'indice de confiance n'est peut-être pas au top du top. Oui, mais écoute, on me l'a annoncé. Moi, je relaie l'info parce que c'est quand même une chouette info. Donc. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, allez. On verra bien lundi ce qui on se verra passe. On verra bien, on verra bien. Dans 20 secondes, restez bien là. Puisque nous aurons l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h02, passons maintenant, comme je l'avais dit, à l'info en plus. Alors c'est une info en plus qui m'avait quand même bien fait rire. Tenez-vous bien, la musique d'attente au téléphone est mauvaise pour la santé. Ah ouais, non mais ça c'est clair, hein, quand tu vois les musiques pourries qu'ils mettent parfois là. Ben voilà, c'est une nouvelle étude qui le prouve. Attendre plus de 5 minutes et 58 secondes, c'est très précis, dans une file d'attente téléphonique, eh bien ça accroît le stress. Bah oui, parmi... t'as envie de taper le mec qui va décrocher après. On dit, mais tu m'avais fait attendre comme ça pendant combien de temps, sale con ? Voilà, c'est un petit peu ça. Parmi les sondés, 64% affirment que leur colère est augmentée par la musique gênante qui est diffusée, soi-disant, pour les calmer. Et les sons de nature, la flûte de Pan ou encore les airs de musique classique font partie du trio des musiques d'attente les plus détestées. Bah oui, mais tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, tu as juste envie de taper les gens. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que cette musique est faite pour, soi-disant, te calmer. Tu vois, pour que tu attends dans la bonne humeur. Mais en fait, pas du tout. Vous voyez, quand vous appelez à Fun, c'est pratique parce que du coup, vous avez la musique de Fun dans le téléphone. Donc là, ça va. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. T'as pas de musique abrutissante. Mais... bon, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, 7h03 sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à la question qui colle. Et surtout, nous aurons la possibilité de vous appeler dans moins de 5 minutes pour vous rembourser vos factures, pour vous inscrire. Allez-y encore maintenant. Vous avez quelques secondes encore, quelques minutes, on va dire. 6322, débutez le message par facture. Comme la facture de 107€ pour l'électricité de quelqu'un. Run libre sur circuit à Mété, 75€. La taxe de circulation à 384€. 292€ pour l'entretien de la voiture, c'est Marie. 194€, mais on ne sait pas pourquoi. Installation d'un compteur électrique, 147€. 112€, mais on ne sait pas pourquoi. L'hôpital David de Liège, 84€. Et peut-être votre facture qui se glisse dedans, 6322 par SMS. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Au niveau du son maintenant, on va se faire une petite pause avec Love You Like a Love Song. C'est le nouveau son de Selena Gomez sur Fun Radio. Selena Gomez sur Fun Radio avec Love You Like a Love Song. Il est 7h08 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde et on va payer des factures là. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, c'est chaque matin sur Fun Radio que ça se passe aux alentours de 7h10, 8h10 et 9h10. Vous êtes nombreux à vous inscrire et nous faisons un petit tirage au sort chaque matin. 63,22 pour les inscriptions. Vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Si vous êtes tiré au sort et que vous répondez correctement à la question que je vous pose, c'est-à-dire quelle radio, enfin qui vous paye vos factures tous les matins? Boss de Fun Radio. Oui, enfin, vous répondez Mickaël ou Fun Radio, ça marche très bien. Comment tu ramènes toi à toi? Comment ça tire le truc? Ah ouais, non, c'est dingue, il tire la couverture. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Renaud. Très bien. Et qui te paye tes factures tous les matins? C'est Mickaël sur Fun Radio. Ah, t'allais dire quoi? J'allais dire Manu, encore habitué. Il se non, non, mais alors ça va. Si t'allais dire Manu, c'est pas grave. Effectivement, il était là l'année dernière, il n'y a pas de problème. Mais il est parti chez la concurrence. Mais non, bah oui, bah, surtout. Salaud. Il nous a abandonné. Mais oui, ce sont les choses qui arrivent, c'est pas grave. Salaud, bon, Manu. Eh bien, bravo à toi. On va te rembourser une facture de quoi? 45€ pour l'hôpital, je pense. Ah, pour l'hôpital? Ah, tu penses? Non, mais oui, j'en avais envoyé une ou deux, donc je suppose que c'est celle-là la plus récente. Donc. D'accord, oui, c'est ça, Tof. C'est exactement ça. Eh bien, 45€. Eh ben voilà, comme quoi tu vois, tu nous écris, hop, on te rappelle et hop, on te rembourse les 45€. Super, on va te les virer sur ton compte, il n'y a aucun problème. Eh ben écoute, passe une bonne journée alors. Ah ben, ça sera super, ben, merci. Ben, je t'en prie, salut à toi, à bientôt, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Eh ben, voilà une bonne journée qui commence pour lui, tiens. Si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, ce sera tout à l'heure que ça se passe. Si vous voulez, eh ben, tout simplement vous inscrire comme lui, par exemple, comme Giuseppe. Vous faites le 63-22. Vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme quoi ça fonctionne. Et on appelle chez vous peut-être tout à l'heure avant 8h10. On donnera la réponse aussi dans un instant à la question qui colle. En Italie, est-ce que coucher avec deux sœurs est un délit? La bonne réponse là aussi au 63-22. Et dans un instant, c'est Mika qui va débarquer avec Elle me dit sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, ensemble, bande de cochons. Voilà, 7h12 sur Fun Radio. Ça va au niveau quand même. Bon, ça va encore, hein, je trouve, au niveau du puage de gueule. Bon, dans un instant, on fera un petit Mickaël Réveil la Belgique. Si vous voulez jouer, 30-44, débuté par Réveil. Mika sur Fun Radio avec Elle me dit. Fun Radio. L'horoscope. Baissez l'horoscope maintenant, évidemment, comme chaque matin vers 7h15. Ah, Doudou, vous êtes content, vous allez pouvoir partir en week-end. Ah oui, enfin, ça, c'est vous qui le dites, hein. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, Doudou, là? Bah, si, vous partez en week-end quand même, non? Ah, c'est la fin du mois, j'ai plus un rond. Hein. Ah, et bah, vous allez faire quoi, du coup, là? Bah, ce que je fais de mieux. Je vais dormir. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Au moins, ça coûte pas un rond. Hein. Bon, bah, oui, c'est ça qui est bien. Bah oui, bah, les béliers, alors on va commencer par eux. Hein. Oui, alors attention, vous étouffez pas, hein, Doudou. Oui, hein. Pardon, je sais pas ce qui se passe. J'avais comme une espèce de grosse boule dans ma bouche qui s'était formée. Bon, bah allez, allez-y. Allons-y, alors. Donc, oui, les béliers, réglez aujourd'hui tout ce qui reste à faire, même si vous avez aucune envie de le faire. Pourquoi je vais décéder ce week-end? Non, mais parce que ça vous fait chier de le faire aujourd'hui. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Les taureaux. Bon, les autres jours aussi, hein, mais bon. Alors, les taureaux, occupez-vous urgemment de votre vie privée. Hein. Ça ne peut plus continuer comme ça. Non. Les gémeaux, ce n'est pas facile d'entretenir l'amitié. Cela signifie qu'il faut savoir faire, il faut savoir pardonner, même quand ça fait mal. Les cancers, comme Julie. Pensez aux gens qui ne sont pas autant favorisés que vous. Mais oui, mais elle est blindée. Oui, elle non, mais c'est vrai. Non, mais il parle de physique. Hein. Non, parce que l'argent, on sait que j'en ai pas. Hein. Ça, je bosserais pas autant sinon. Mais non, pourtant, c'est on est plus sûr pour le physique. Hein, mais... C'est probablement avec le physique. Oui. Ça doit être ça, ouais. Bon, probablement. Les lions. Réfléchissez avant d'émettre des critiques. Regardez-y à deux fois. Les vierges. Prenez vos problèmes à bras le corps et cessez de remporter tout à plus tard. Les balances. Si vous n'êtes pas amoureux, il se pourrait qu'une rencontre vous tourne la tête. Pas trop quand même, après ça fait mal. C'est sûr, les scorpions. Votre ego vous pose parfois des problèmes. Soyez plus ouvert. Très bien, les sagittaires. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance par rapport à vos collègues qui font que du chahut. Les capricornes. Vous avez parfois tendance à être trop généreux. Rappelez-moi. Ouais, c'est ça, les Verseaux. Il se pourrait que le partenaire de vos rêves vous croise aujourd'hui. Très bien, et pour finir, les poissons. Ignorez les mauvaises langues qui veulent jeter le discrédit sur vous. Très ce bien. Ce sont que des connards. Bah, c'est le ça. Discrédit, j'aime beaucoup comment tu dis ça. Le discrédit, oui, pourquoi? Tu as dit comment? Non, ah bon, là, quoi. Discrédit. Bon. Voilà. Bon, très bien. Bon, Doudou, on vous retrouve dans une heure? Bah oui, hein, pas de problème. Bon. De toute façon, je suis là, j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui. J'imagine. Et restez bien là, puisque dans 2-3 minutes, nous allons parler d'iPhone. Ah oui, nous allons parler d'iPhone justement en exclusivité totale, un truc qui déchire, vous allez voir. Et en attendant, on va s'écouter le son de Sac Noël maintenant, Lock Up People sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. What the fuck? What the fuck? Tous les matins sur Fun Radio, en direct, nous sommes là jusqu'à 9h30. C'est Mickaël à la radio, il est 7h22. Bon réveil si jamais vous sortez de votre lit. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori il fera beau cette journée. Et la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est vendredi aujourd'hui. Ce qui veut dire pour la majorité des gens, dernier jour de la semaine. Alors que Julie est déjà en train de s'endormir là. Ouais, je m'endors. Non, j'attends le petit déjeuner de la police. Oui, c'est vrai, le petit déjeuner de la police qu'ils vont doit arriver en uniforme. Oh, ah oui, ça avec pourrait exciter sa Julie. Matraque. Mais non, j'ai pas dit ça. Je veux juste voir qu'ils sont en uniforme. On a bien compris, va. On fera des photos avec les deux policiers autour de Julie.

J'ai 24 ans et je viens de Liège. De Liège, ça 99. Dans ta voix, tu sais. C'est vrai. 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Et tu as la réponse ou à la question qui colle? Oui. Je t'écoute. J'avais marqué non, ce n'est pas un délit. Oui, et donc en Italie, se vanter devant des amis d'avoir fait l'amour avec deux sœurs ne constitue pas un délit, selon la Cour de cassation nationale qui a décidé de relaxer un artisan du Haut Adige, c'est dans le Nord, condamné pour diffamation. C'est ce qui a rapporté un journal local. Donc, en 2005, c'est un mec qui, donc un électricien, peu importe, qui effectuait des travaux dans une propriété appartenant à deux sœurs. Il y a dans les films de cul qu'on voit ça. Voilà, et ben, des relations intimes ont eu lieu avec les deux sœurs, etc. Et donc voilà, donc a priori ce n'est pas un délit. Bravo à toi Jérém, en tout cas tu repars avec les cadeaux, on va te renvoyer au standard, d'accord? C'est gentil, merci. Et je t'en prie, à bientôt Jérém. Oui. Salut. Au revoir, à bientôt, oui. Dans un instant c'est bien évidemment l'info qui va arriver, car l'info avant tout. Ah bien sûr. Bien entendu, avant même le petit-déj. Oui, bah apparemment oui, vu que la police n'est toujours pas là. Bah c'est ça, voilà, c'est ça. Sinon ce serait après, bien sûr. Si je devais attendre pour avoir le petit-déj, les infos. C'est vrai. Ouh. Bon, et la petite question qui colle maintenant, alors attention, on va voir si vous avez... Dans le ciboulot justement, tiens. Alors attention, il y a un écran plat à gagner ou alors des places pour le parc Astérix. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? 63-22 pour la bonne réponse. Alors il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est court avec ces questions débiles. Mais je suis curieux de voir le nombre de bonnes réponses que nous allons recevoir. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? 63-22 avec la bonne réponse. Bonne chance, c'est 1€ le message, mais un écran plat à gagner quand même. Et ce qui arrive dans un instant, c'est l'équilibre avec I Follow Rivers. Le petit déj et Likili, ça égaye la journée de Julie. Julie est aux anges. Ah, c'est génial. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Eh ben voilà, c'est arrivé. Il y a des réponses qui sont arrivées et aussi des mauvaises, évidemment. Fallait s'y attendre. On donnera la bonne réponse dans un instant. Donc 63-22, si vous l'avez, la bonne réponse. Écran plat et place pour le parc Astérix à gagner. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? 63-22 avec la bonne réponse. C'est 1€ le message. Et à 7h31, c'est l'info maintenant avec Julie Labaronne. Salut à tous. Toujours pas d'accord sur la loi de financement. Les négociateurs se sont quittés hier soir à 1h. Francophones et flamands s'affrontent encore. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations, tandis que le rendez-vous entre le formateur Élodie Rupeau et Yves Leterme, le Premier ministre démissionnaire, concernant le budget 2012, eh bien ce rendez-vous a été reporté. Il devait normalement se voir aujourd'hui pour définir le partage des rôles dans la confection du budget. Selon Yves Leterme, le gouvernement déposera au Parlement un projet de budget pour le 17 octobre au plus tard, date du prochain sommet européen. Les bourses ont une fois de plus chuté chez nous. Le Belvin a perdu 5% hier, plus mauvaise journée depuis octobre 2008. Face à cette situation, le G20 promet une réponse forte à la crise et de soutenir la croissance. Les 20 économies les plus puissantes de la planète promettent également de s'assurer que les banques disposent d'un capital adéquat. Le 101 en grève ce matin, les téléphonistes des centrales 101 se croisent les bras pour dénoncer la charge de travail consécutive au manque de personnel. La police se chargera donc de prendre les appels d'urgence. Les appels seront dès lors traités donc par les policiers eux-mêmes, entraînant des retards dans le traitement des appels selon les syndicats. Et dès le 1er janvier prochain, le système des gardes médicales va changer pour les 370 000 Wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Et désormais, les patients malades ne feront plus appel à leurs médecins de famille pendant les périodes de garde, mais devront se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste de garde médicale existe depuis plusieurs mois ou années en Wallonie et en Flandre, mais la future réorganisation est marquante car elle touche tout de même 61 communes. À 17h35, heure belge, le président palestinien Mahmoud Abbas remettra la demande d'adhésion à l'ONU d'un État de Palestine. Malgré toutes les pressions, en particulier américaines, pour l'en dissuader, le président français Nicolas Sarkozy a appelé l'Assemblée Générale à accorder à la Palestine le statut intermédiaire d'État observateur à l'ONU. Il faut dire que ça irrite Israël et parallèement à des négociations israélo-palestiniennes pour parvenir donc à un accord de paix définitif d'ici un an. Le président français pense que c'est la meilleure solution. Et puis enfin, en sport tennis, Xavier Malisse s'est qualifié qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Metz en France. Il affrontera l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 20e mondial. Très bien, 7h33 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, passons à la météo. C'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui, si si. Même si les nuages arriveront déjà dès ce soir sur le nord du pays. Non, non, non, pas de pluie au programme. Température jusqu'à 20 degrés. Ce week-end, préparez la crème solaire, sortez les barbecues. Il va faire jusqu'à 23 degrés dimanche et même jusqu'à 27 degrés lundi. Bah, cela dit, je pense quand même qu'il y aura un orage. Parce que même si on l'annonce pas, quand il fait chaud en Belgique pendant une journée, si tu veux, c'est juste le déluge la nuit. Oui. Mais on verra. Hein. Oui, on verra. On verra. C'est mal, j'annonce des bonnes nouvelles et voilà, tu casses tout. Oh, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais oui, c'est ça. Les barbecues, la crème solaire. L'info, oui, voilà. On va voir, oui. Ouais, le menuil. Je vais revenir tout noir lundi, ça va être beau. Eh ben, pourquoi pas. Bah oui, je te confirme, ouais. Allez, Fun Radio. L'info en plus maintenant à 7h34 sur Fun. On en parle depuis déjà quelques jours. Ceux qui ne seraient pas encore au courant, un satellite grand comme un bus va retomber sur la Terre aujourd'hui. Alors difficile de savoir où et à quelle heure exactement l'engin va arriver, mais selon la NASA, il n'y a que 0,03% de risque qu'un humain soit touché par cette pluie mécanique. Alors le satellite fait quand même une dizaine de mètres et pèse près de 6 tonnes. Il a été mis en orbite en 1991 par la navette Discovery. Ah ouais. Et bon, à un moment donné, il faut bien que ça retombe. Bah c'est ça, hein, il y a un moment où il faut bien que ça redescende. Et donc on espère que ça va pas tomber sur nos têtes. C'est préférable, effectivement, oui. Bon, bah très bien pour l'info en plus. Message qui est arrivé qui dit nickel, tu vas bien, c'est chouette de t'entendre le matin. Bah je vais plutôt bien, oui. J'avoue que ce matin j'avais un peu la flemme de me lever. Oui. Mais là ça va, là, c'est bon, ça a démarré, on est à la cool, tout va bien. Bon, on va s'écouter Liquidy maintenant, tiens, pour faire plaisir à Julie également. Ah ouais, ça c'est bon. Ah ouais, ça y est. Met la pêche. La voilà. Oui. Elle va décoller. J'ai le sourire. Mais oui, smile. Mais avec merci, en plus nickel. Le petit déj qui arrive dans un instant. On l'attend apporté toujours. Par la police, les uniformes et la grosse matraque. Et Julie qui se voit déjà courir sur la plage au soleil pendant cet hiver avec le son de Liquidy en train de courir. En train de courir vers son amoureux qui l'attendra et puis ils s'enlaceront. Non, la mer calme-toi, les balayera. Calme-toi. Et là, le requin arrivera. Oui, c'est vraiment ça parce qu'il y a eu tellement d'histoires de requins que si tu pars dans les pays un peu chauds où tu sais qu'il y a des requins dans la mer, je pense que t'évites quoi. Oui, c'est vrai que c'est enfin, mieux. Moi, en tout cas, j'éviterais. C'est vrai. Bon, et on va parler d'une histoire, un truc de psychopathe parce que Julie ne voulait pas en parler. Elle a quand même. Bon, je ne vais pas dire ce qu'elle a dit, mais c'est mal. Et donc, c'est très mal. C'est pas parce que toi, tu peux te goinfrer de 5 croissants tous les matins sans prendre du poids. Voilà, que tu peux te permettre de parler comme ça des gens. Attends, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Donc voilà, vas-y, je vais expliquer justement. Ouais, je vais expliquer mon point donc, de vue fait, après. C'est Cynthia qui habite au Royaume-Uni, donc in England, qui donc est la maman de deux magnifiques enfants. Obèse. Bon, ça c'est pas grave, hein, tu peux être obèse et jouer John avoir un beau visage, mais c'est pas le problème. C'est Joseph, 26 ans, et Matthew, 18 ans, qui sont gros, très très gros, puisqu'ils font 600 kilos à deux, c'est-à-dire à peu près 300 kilos chacun. T'as 600 kilos le mec. Non, bah enfin même 300 déjà. Hein. Et donc ils se gavent de beignets, de poulet frit, de pizza, et donc à deux, ils atteignent donc le poids de 600 kilos, comme je l'ai dit. Et donc bah du coup, forcément, même la mère en fait, elle a failli mourir, c'est juste que là, elle était opérée, ils lui ont mis un bypass, donc du coup ça va mieux. Ouais, mais ça va mieux, elle est passée de 400 kilos. Ah, 340. Voilà, donc maintenant leur alimentation se compose de beignets au chocolat, de poulet frit, de pâtes, d'hamburgers, de frites, de pizza, de biscuits, de bonbons, le tout arrosé évidemment de Coca, Fanta et tout ce qui va avec. Et donc la mère a décidé de ne pas changer leur alimentation, même si c'est dangereux pour leur santé, parce que ça les rend tellement heureux. Oui, enfin, maintenant j'aimerais bien donner mon point de vue. Je précise, qui crève, les ils ont 18 et 21 ans, c'est ça? Oui, 26. Voilà, alors excuse-moi, mais à 18 et 26 ans. Tu peux prendre tes propres responsabilités et décider de manger autrement. Quand tu avais commencé ton histoire, on pense que la mère gaffe ses enfants de 10 ans et qu'ils peuvent pas choisir. Elle les a peut-être gavés depuis qu'ils ont 18, 10 ans. Hein. Oui, d'accord, ok, mais à 18 et 26 ans, ils peuvent prendre eux-mêmes si la mère elle est débile. Ils peuvent prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Votez Julie au pouvoir. Julie présidente. Venez, votez pour moi. Le pauvre, je crois qu'en 470 jours plus ou moins, il a pris 10 ans, je pense. Ouais, mais même, tu sais que pour tout l'argent du monde, je voudrais pas son boulot. Hein. Ah non, non. Quelle angoisse avec tous les psychopathes là qui sont là. Tu sais que de toute façon, ils vont gueuler. Quoi que tu apportes, ils vont gueuler. C'est clair. Laisse tomber. Bon, je vous rappelle la petite

Beaucoup trop bon. C'est vrai, beaucoup trop bon. Je lui arrête et pas de me répéter. Et beaucoup trop modeste aussi. Alors là, pas ça croule sous la modestie ici. Mais, on met tout. Nous sommes pas modestes, nous sommes lucides. Oui, c'est bien un havre de modestie. Exactement. Ah oui. Bon, alors, je vous répète la petite question qui colle, la devinette qui colle, pardon. Toujours un écran plat à gagner et des places pour le parc Astérix. Attention, il vous reste 3-4 minutes pour vous inscrire. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. Et au niveau du son, eh ben, c'est Man et Snoop Dogg avec Yaz qu'on écoute maintenant de Max sur Fun Radio. Le son de Man à l'instant sur Fun Radio avec 50, pas du tout, le son de Man avec Yaz et Snoop Dogg. Je vais y arriver moi, j'ai du mal ce matin. C'était, qu'est-ce qui se passe July, on t'entend mal? Normal, tu n'allumes pas mon micro. Oh comme ça y est, c'est de ma faute. Non mais on comme veut me d'habitude. Faire taire ici, on veut me faire mais taire. Oui, on veut te museler. Mais oui, c'est ça. Libérons la presse. Exactement, nous sommes tellement méchants. Oui. C'est tellement mal ce que nous faisons. Ça, oui. Mais non, bien non, sûr. Mais les auditeurs savent que je suis maltraitée. C'est vrai, c'est ils vrai. Le tu as, et ils me soutiennent par SMS et je les remercie. Mais oui, tu as raison. C'est grâce à eux que je suis ici. On nous signale un petit radar. C'est Rémi aussi qui nous envoie un petit mail sur mikel@funradio.be qui dit Halleuse en sortie de rond-point direction Fran. Alors ça c'est quand même super intelligent de mettre un radar en sortie de rond-point. Parce que techniquement, à part si tu flashes à 10 km/h, tu peux rarement sortir à 150, tu vois. Ouais, non, c'est comme les flashs mobiles qui se mettent en plein dans les embouteillages, quoi. Ouais, non, mais ça, bien aussi, ils sont peut-être installés avant, tu vois, ils pouvaient pas savoir, mais. Non, mais quand ils se mettent aux heures de pointe, tu vois, à un moment donné, ils savent que ça va ralentir. Non, mais tu sais, c'est pour être à la cool, hein. Moi, j'ai un petit Twix. Ils sont sournois et qui se mettent dans une descente. Ouais, dans une descente. C'est sournois. Dégueulasse. Exactement. Ils se mettent en fan descente, et là, comme sur la E411 avant d'arriver à Wavre. Voilà, tout ça. Mais genre, on le connaît, c'est un fixe, tu vois, à un moment donné, tu sais qu'il est là. Ouais. Et quand il se plante comme ça avec c'est vrai, c'est vrai. Bon, dans un instant, on va appeler des gens. Avant ça, je vous rappelle encore une dernière fois la petite devinette qui colle pour gagner des écrans plats ou des places pour le parc Astérix. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Et on vous appelle dans moins de 2 minutes. Alors, bon, comme vous le savez, il y a un satellite qui risque à tout moment de nous tomber sur la tronche. Et donc, on va appeler une autre famille que tu vas réveiller, Top, du coup. Mais oui, une autre famille pour les prévenir, pour qu'ils... Voilà, il faut qu'ils sachent. Je peux pas les laisser comme ça. Ça va leur tomber sur la gueule. C'est une non-assistance à personne en danger. Mais voilà. Ben oui. Et donc c'est un satellite de la NASA qui doit tomber aujourd'hui. Mais bon, il y a peu de chances que ce soit en Europe, hein, techniquement. Hein, mais bon. Oui, mais ça c'est un détail. Je vais pas leur dire. Non, bah bien sûr, évidemment. Hein, il faut pas faire peur aux gens, bien entendu. Bon. Non. Mais c'est pas mon genre. Peur aux gens. On nous avait envoyé un message pour appeler chez je ne sais plus qui, mais c'était à Durbuy. Donc on va à Durbuy. Allons à Durbuy. Allez, on va à Durbuy. Appelons à Durbuy. Allez, Durbuy. On avait été à Beausin tout à l'heure, mais ça n'avait pas bien marché. Le gars avait dit merci, au revoir. Bon, okay, on a mis tellement d'espoir dans le boss. Ah ouais. Un échec total, c'est dommage. On espère qu'à Durbuy, ça ira mieux. Allô. Oui, allô. Allô, vous êtes là, heureusement. Voilà, le satellite américain, il va tomber chez vous. Pourquoi? Il y a un satellite, il va tomber sur votre maison. Il faut pas rester chez vous, il faut partir, monsieur. Oui. Oui, il faut partir, monsieur. Une bombe qui va tomber sur ma maison? Non, c'est un satellite, c'est pas une bombe, c'est pire, c'est plus lourd. Oh. Oui, c'est les Américains, ils savent plus le contrôler, il va tomber, monsieur. Oui? Oui, faut pas rester là. Et vous téléphonez tout côté comme ça? Mais oui, monsieur, moi je l'ai vu, je le vois, il va tomber sur votre maison, là. Il faut pas rester chez vous, monsieur. Elle va pas tomber chez ma botte? Non, il va tomber chez vous. Chez moi? Oui. Je suis dans un home, hein. Ah ben oui, faut prévenir les autres alors. Ah ben prévenez-les. Mais oui, mais comment on va faire? On va tirer votre plan, hein. Mais oui, mais enfin, monsieur... Allez, foutez-vous, t'es... T'as un son ou quoi? Mais non, monsieur, le satellite, il va tomber, vous l'avez pas vu à la télé? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah oui, éventuellement, vous êtes... Oui, bonsoir monsieur, à 7h58. Ben il n'a pas encore dormi, c'est un vieux qui fait la fête et puis c'est tout. Peut-être, ou alors si jamais éventuellement vous êtes wallon et vous parlez le wallon, dites-nous ce qu'il a dit. Génial, hein, parce qu'il y a des trucs quand même, on n'a pas tout compris. Trop mignon ce petit vieux. Ah oui, et pas du tout inquiet. Hein. Et on pas du tout inquiet. J'en ai rien à foutre, de toute façon j'ai tout vécu moi. Oui, c'est vraiment ça. De toute façon je vais crever, ce qui est bon c'est qu'on crève tous les autres petits vieux du haut. Ah bah si on meurt aujourd'hui ou demain, ça changera plus rien maintenant, on a tout fait déjà maintenant. Bon, un petit peu ça. On rappellera dans d'autres villes tout à l'heure si vous avez si vous connaissez des gens qu'on pourrait éventuellement appeler pour les prévenir que le satellite va tomber, n'hésitez pas. Vous nous dites 3044, on signale un radar également à 8 sur le quai de Namur, donc faites gaffe aussi si vous êtes dans le coin. Et puis dans un instant, peut-être le double fun. Le double fun de Britney Spears. Il y aura I Wanna Go, c'est sûr. S'il y en a un autre derrière, 63-22 également, débuté par Star. Mais rassurez-vous, on vous explique tout ça. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. On vous explique tout ça maintenant, écoutez bien. Toute cette semaine, Fun Radio vous offre une femme fatale. Pardon, je me suis emportée. Toute cette semaine, Britney Spears vous offre son nouvel album, Fun Fatale. Hi, this is Britney Spears. With you on Fun Radio. Mais surtout, elle vous invite à son concert parisien pour un City Trip Live de 2 jours. Tout est compris. Aller-retour, hôtel et les entrées au concert de Britney Spears. Dès que vous entendez 2 sons de Britney Spears à la suite, 2 bombes de Britney à la suite, envoyez vite Star au 6322 et vous partirez peut-être direction Paris pour un City Trip Live de folie aux frais de Fun Radio. C'est le double fun. 1 euro par message envoyé ou reçu. Fun Radio, le son dance floor. 8h01 sur Fun Radio, on a un petit problème de standard, donc du coup on peut pas prendre le gagnant pour l'instant de la devinette qui colle, mais c'est pas grave, c'est l'histoire des plumes et des plombs là, le kilo, qu'est-ce qui est le plus lourd. Donc bon bah voilà, on appelle dans quelques instants, ne bougez pas de là, mais avant cela, ce sont les infos maintenant avec July. Salut à tous, toujours pas d'accord sur la loi de financement. Les négociateurs se sont quittés hier soir à 1h. Francophones et flamands s'affrontent encore. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations, tandis que le rendez-vous entre Elodie Rupo, le formateur, et Yves Le Terme, le Premier ministre démissionnaire. Ce rendez-vous concernant le budget 2012, eh bien, il a été reporté. Il devait se voir aujourd'hui pour définir le partage des rôles dans la confection du budget. Selon Yves Le Terme, le gouvernement déposera au Parlement un projet de budget pour le 17 octobre plus tard, date du prochain sommet européen. Les bourses ont une fois de plus chuté hier. Chez nous, le Belvin a perdu 5%, plus mauvaise journée depuis octobre 2008. Face à cette situation, le G20 promet une réponse forte à la crise et de soutenir la croissance. Les 20 économies les plus puissantes de la planète promettent également de s'assurer que les banques disposent d'un capital adéquat. Le 101 en grève ce matin. Les téléphonistes des centrales 101 se croisent les bras pour dénoncer la charge de travail consécutive au manque de personnel. Les appels seront donc traités par les policiers eux-mêmes, entraînant des retards dans le traitement des appels, selon les syndicats. Et dès le mois de janvier prochain, le système des gardes médicales va changer pour les 370 000 Wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Et désormais, les patients malades ne feront plus appel à leur médecin de famille pendant les périodes de garde, mais devront se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste existe déjà depuis quelques mois ou même années en Wallonie et en Flandre, mais la future réorganisation est marquante car elle touche quand même 61 communes. À 17h35, heure belge, le président palestinien Mahmoud Abbas remettra la demande d'adhésion à l'ONU d'un État de Palestine. Cette initiative divise et suscite de vives tensions diplomatiques dans le monde. Israël y est farouchement opposé et les États-Unis brandissent leur droit de veto. Enfin, en sport tennis, Xavier Malis s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Metz en France. Il affrontera donc en quart l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 20e mondial. Non, pas facile à dire hein, ce nom quand même. Hein. Non, quelle non, idée non. De s'appeler comme ça, c'est dingue ça. Bah oui, les Ukrainiens, je te jure. 8h04 sur Fun Radio maintenant, c'est la météo, alors un temps dégueulasse. Eh bien, non, pas du tout. Après la dissipation des nappes de brume et de brouillard, c'est le soleil qui va s'imposer. Les nuages seront plus nombreux sur le nord du pays en soirée. Température jusqu'à 20 degrés. Attention, sortez les barbecues ce week-end, il va faire beau avec jusqu'à 23 degrés. Et dimanche, la police vient d'arriver dans le studio. Non, ça y est, elle est toute perturbée. Et lundi, on nous annonce... Mon Dieu, mon Dieu. Ils sont en uniforme et lundi, excitation qui monte en plus. Et lundi, on nous annonce jusqu'à 27 degrés. Tout à fait, effectivement, cette information qu'il fallait pouvoir dire. Enfin, donner plutôt. Dans un instant, l'info en plus. Ben oui, on va essayer de se concentrer. Ah ben, si Julie est encore de ce monde, bien sûr. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05 sur Fun Radio, on remet le couvert avec l'info en plus. L'attente, c'est mauvais pour la santé. En ce moment, oui. J'attends de pouvoir déguster mon petit déjeuner apporté très gentiment par la police. Eh bien, l'attente aussi au téléphone, c'est mauvais pour la santé. Surtout la petite musique là, qui est assez énervante. Quoi, celle-là ? Une étude... Non, pas celle-là, non. Ah bon, la petite musique d'attente. Non, mais en général, c'est pas ce genre de musique qu'on a quand on attend, on t'appelle, je sais pas moi, Bolgacom, n'importe qui, t'as une petite musique d'attente. C'est pas un truc, un son du dance floor. Hein. Ah non, pas du tout. C'est plutôt un son bien chiant d'ailleurs. Hein. Musique d'ascenseur, on appelle ça comme ça. Voilà, une nouvelle étude donc démontre qu'attendre plus de 5 minutes et 58 secondes, c'est très précis, dans une file d'attente téléphonique, eh bien ça accroît le stress. 64% des sondés affirment que leur colère est augmentée par la musique gênante qui est diffusée soi-disant pour les calmer. Alors, les sons de nature, la flûte de pan ou encore les airs de musique classique font partie du trio de musique d'attente les plus détestés. Ah oui, effectivement, je peux concevoir. Hein. Je peux concevoir que ça fasse péter une durite. Ce serait quand même marrant, ils font quand même des études sur tout et n'importe quoi. Mais ils ont le temps aussi. Hein. Bon, dans un instant, c'est... Bah oui, dans un instant, on va payer vos factures. Mais avant cela, on a qui avec nous maintenant pour la petite devinette qui colle? Allô, bonjour, qui est là? Sébastien. Oui, c'est Sébastien. Salut Sébastien, t'as quel âge, dans quelle ville? Alors, je vais avoir 34 ans et je suis de Hatt. Très bien, 95.4 pour écouter Fun Radio à Hatt. Sois le bienvenu. Tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Je répète, la devinette qui colle. Qu'est-ce qui est le plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb? Ben, c'est égal, le volume qui sera différent. Exactement, et il y en a quand même qui sont arrivés. Bah, j'ai un kilo de plomb, hein? Bah c'est plus lourd. Bah non, c'est effectivement le volume qui change, effectivement. Bah les gens sont pas très réveillés. Ah bah ouais, bah ouais, mais c'est normal, il est tôt encore. Bon, mais en tout cas, bravo à toi, tu repars avec soit un écran plat, soit avec les places pour le parc Astérix, tu vas gérer ça au standard, d'accord? Ok, merci. Salut, salut, à bientôt. Passez une bonne journée. Mais elle sera bonne, t'inquiète pas, merci à toi, ciao. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite, tiens, maintenant. On va s'écouter avant de payer les factures dans quelques instants. Les factures, ça va arriver dans quelques secondes. Si d'ailleurs vous voulez qu'on vous les rembourse, les factures, ce sera dans 3 minutes, 63-22, débutez le message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Le temps d'écouter bah, Britney Spears. Y aura-t-il un deuxième son de Britney Spears? Nous verrons cela dans quelques instants. En tout cas, on va écouter I Wanna Go maintenant sur Fun Radio. 8h07, bonne matinée et bon appétit Julie. Merci. Hein, qui va la bouffer, bouffer, bouffer. Merde, je suis trompé de disque. Je suis trompé de bouton. Ah bah bien, bravo. Ah oui, bah ce sont les choses qui arrivent. Toi, hein, tu fais le malin là. Oui, bah ça va. Et puis voilà, tu ne sais pas tout ça. Je vais remettre le morceau, attention. Bon. Voilà. Comme si de rien n'était. Hein. Oui, bien sûr, personne n'a rien remarqué. Exactement. Et ça qui est bon. Bon, et donc elle va bouffer, bouffer, bouffer. C'est ça que je veux dire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je fais bien le Britney Spears, hein. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mais... Non, mais ça qui fait peur, c'est exactement beaucoup de travail. Tu t'es entraîné, mais tu fais ça toujours aussi mal. C'est vrai, effectivement. 8h12, merci Julie. Là, ça, au plus elle bouffe, là, maintenant, il y a les deux policiers qui sont à côté d'elle, elle ne se sent plus, là. Alors, je suis encadrée. Je suis vraiment encadrée par la police. Ah ouais, c'est bon. Mais on se sent protégé, c'est vrai. Ah bah tant mieux, écoute, c'est le principal. En plus, c'est différent de ce que j'ai tous les matins. Ils sont... grand, baraqué, enfin, c'est différent quoi, ça change. C'est un peu comme nous quoi. Non, c'est bien ce que je dis, ça change. Non, pourtant c'est comme nous. Bon, allez, on va. On va maintenant payer vos factures. On a mis des photos hein, de Julie en bien entourée. Sur mikael.fm, vous pouvez aller voir. En plus, c'est en train de manger. Là, ils ont ramené des coucs à la crème et d'une violence. Ah oui, non, mais moi, j'ai même pas encore mangé, j'ai déjà pris un kilo. C'est trop mignon parce qu'ils ont vraiment pris ma petite commande. Deux petits pains en chocolat. Non, la police. Bien. Ah ouais, Julie est contente, elle a passé sa bonne journée là. Bon, allez, on va rembourser les factures maintenant, c'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Ah, et la facture de la police aussi pour le déplacement, plus les petits pains. Bon, ça coûtait bien cher ça. Comment ça, il faut qu'on paye? Ah bah oui, tu dois donner ton corps, Julie. Il est en train de t'éditer ton PV. Mais t'es malade toi. Voilà, c'est ça, regarde le petit PV qui va être édité là. Hein, mal garé devant la radio là. Hein, devant un garage. Non, bah, si. Bah, je suis pas du tout, mais enfin, ça va ou quoi? Je suis sur le parking. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on appelle. Il y a que toi qui l'as vu. Hein, c'est vrai, que nous on est témoins, hein, y a pas de problème. Hein. Bon, 63-22, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et nous appelons maintenant quelqu'un pour lui rembourser sa facture. La police d'ailleurs peut vérifier elle-même que nous faisons bel et bien un numéro de téléphone, hein, que nous appelons bel et bien au hasard dans le 63-22. On va rembourser combien, Tof? 59€. 59€. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Qui t'appelle tous les matins pour te payer tes factures? Fun Radio. Mais oui! Ah, génial! Effectivement, c'est Fun Radio. Comment tu t'appelles? Jérémy. Comment tu t'appelles? Hein? Jérémy. Jérémy, j'ai compris, Lilou. Ouais. C'est bizarre hein, pour un garçon. Ah non, pas du tout. Bon, Jérémy, très bien. Jérémy, sois le bienvenu sur Fun Radio. Tu t'es inscrit au 63-22 pendant que Julie bouffe. Oh, elle sent délicieuse. Mais que bien. Qu'est-ce qu'elle bouffe? C'est que je vais bientôt pouvoir écrire un bouquin sur le pain au chocolat de toutes les boulangeries de la Belgique. Exactement. Bah, cette boulangerie est très bonne. Jérémy, tu avais une facture de combien à te faire rembourser? 59 euros. Très bien. Et tu es dans quelle ville? De Haine, près de Liège. D'accord, près de Liège, 99 FM. Et c'est pour payer quoi les 59 euros? Pour payer un sac à main, ma copine. Oh, c'est mignon. qu'est-ce qu'elle est fleur bleue, Julie, quand même, c'est dur. Oh là là. Mais attends, c'est adorable. Mais oui, ouais, c'est adorable. Mais tu sais que c'est parce que derrière, il veut lui mettre une petite cartouche. Hein, tu vois, il fait ça. C'est pas non, gratuit, c'est faux, tout ça. C'est juste comme ça, juste ouais. parce qu'il l'aime. C'est ça. Ouais. Bienvenue chez Julie dans le monde des bisounours. Bon, et ben, Jérém, on va te rembourser ta facture, il n'y a aucun problème. Ah ben merci, je t'en prie, avec plaisir. Salut à toi, Jérém. Passe une bonne journée. À bientôt, toi aussi, bye bye. Bon, il y aura encore une énigme devinette qui colle tout à l'heure. Et puis là, c'est la question qui colle. Qui est l'homme le plus respecté du monde? Bon, dans ce studio, on a bien des idées. C'est moi, bien sûr. Ah, pas bah, bien sûr. Mais dans le monde, comment c'est ça se passe? Parce que c'est pas toi qui a la main sur le pistolet pour le moment. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave, comme quoi. J'ai mes gardes du corps qui sont là pour me protéger. C'est ça, ouais. Faites bien attention, les gars. Les bodyguards. Vous voyez la population qui nous écoutait là. Hein, vous payez pour qu'il y ait deux personnes qui soient là en train de protéger Julie. Ça. Bah attends, mais oui. La oui, protection suis, rapprochée de Julie. Citoyenne en détresse. Mais oui, bah, il protège la liberté de la presse. Tout à oui, fait, ouais. Aussi. Mais oui. Bon, qui est l'homme le plus respecté du monde? Si vous avez une idée, 63, 22, allez-y. Et on va s'écouter Katy Perry maintenant. Last Friday Night sur Fun Radio. Il est 8h15 et juste après, ce sera bien sûr l'horoscope. De doux. Le son de Katy Perry à l'instant avec Last Friday Night sur Fun Radio. Bah ouais, mais ça, on est avec Julie, elle me parle. J'ai un métier, moi, Josiane. Hein. Non, mais c'est vrai, t'es en train de me non, parler pendant deux que heures. Non, mais tu peux le dire. Non, mais tu peux le dire. Oh, bah alors là, dis donc, hein. Je pense qu'il y en a qui s'enflamment pas. Bon, il y a eu le double fun là, de Britney Spears tout à l'heure là pour gagner votre. Pour gagner vos places pour aller direction Paris, assister au concert de Britney Spears, les deux dernières places pour le concert de Britney Spears qui sont à gagner sur Fun Radio. Donc 63-22, débutez le message par Star. C'est 1€ le message, vous laissez vos coordonnées complètes. Et bah voilà, c'est aussi simple que ça, vous repartirez peut-être avec vos places. Et en plus c'est de ça, c'est ultra facile. Bah ouais, en plus avec le transport et l'hébergement, ce qui est quand même plutôt une bonne planque quand même. Hein. Mmh. C'est pas mal. Ah ouais, plutôt même la très très bonne planque. Bon, on va se faire l'horoscope maintenant avec l'ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Vous n'avez pas peur, Doudou, avec la police qui est là? Ah si, quand même un petit peu, mais heureusement ça va, j'ai tout rangé, donc tout va bien. Ah, très bien. De quel signe est la police? Ah oui. Verseau et Vierge, très bien. Donc faites un bon signe, Doudou. Hein. Oui, je fais ce que je peux. Hein. Bon, d'ailleurs, on va commencer exceptionnellement par les Vierges. Alors, par les Vierges. Alors, prenez vos problèmes à bas locaux et cessez de reporter tout à plus tard. Alors, faut se mettre au travail. Oui, c'est ça. Il n'a pas bien compris, là. Hein. Bon, allez, les Verseaux, après. Alors, les Verseaux, attends, parce que c'est où ça? Ah oui, voilà. C'est l'avant-garde. Il se pourrait que le partenaire de vos coiffe votre route aujourd'hui, mais oui, je la vois, elle est non, là. Non, mais oui, elle est là. Eh oui, c'est July. Ah oui, ça y est, il se passe des choses dans le studio. Peut-être. L'amour est avec nous, Cupidon non. est là. Par contre, le gras est avec elle. Hein, le ça. Gras est dans mes fesses bientôt. De ce côté-là, on est tranquille. Bon, les béliers. Peut-être penser à avoir un vélo pour qu'elle fasse les infos dessus. Ce serait bien d'avoir, oui, deux, trois idée. Appareils de musculation. Ne nous chauffe pas, Julie, parce qu'on va vraiment t'en amener. Mais pas de problème, vraiment, okay, il faut peut-être temps que je fasse du sport. Très bien. Ouais. Les béliers, donc. Alors, les béliers, réglez aujourd'hui tout ce qui reste à faire, même si vous n'en avez aucune envie. Les taureaux. Occupez-vous urgemment de votre vie privée parce que ça ne peut pas continuer ainsi comme ça, c'est pas possible. Les gémeaux. Ce n'est pas facile d'entretenir l'amitié. Cela signifie qu'il faut savoir pardonner, même quand ça fait mal au fion. Et oui, les cancers. Pensez aux gens qui ne sont pas autant favorisés que vous. Très bien, les lions. Réfléchissez avant d'émettre des critiques et regardez-y à deux fois. Bon, les vierges, on l'a déjà fait, donc les balances. Si vous n'êtes pas amoureux, il se pourrait qu'une rencontre vous tourne la tête. Faites attention, ça fait mal. Bah oui, les scorpions. Votre ego vous pose parfois des problèmes, soyez plus ouverts. Les sagittaires. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance par rapport à vos collègues. Les capricornes. Vous avez parfois tendance à être trop généreux. Alors appelez-moi parce que j'en ai besoin. Bah, les versos, on l'a déjà fait, donc les poissons pour finir. Ignorez les mauvaises langues qui veulent jeter le discrédit sur vous. Mais oui, disque de la merde. Ben oui, c'est ça en fait. Hein, c'est, oui, c'est pas vrai. Très bien, on vous retrouve dans une heure, Doudou. Oui, d'accord. Très bien, allez, à tout à l'heure. Oui. Et puis dans un instant, c'est la déclaration express avec Sébastien Loeb, juste après le son de Sean Paul qu'on écoute sur Fun avec Alexis Jordan et Got to Love You. Le son de Sean Paul à l'instant sur Fun Radio avec Got to Love You, 8h24. Bon réveil tout le monde et on cherche toujours la petite question qui colle. On va la donner la réponse dans un instant. Qui est l'homme le plus respecté du monde? Pas mal de réponses qui sont arrivées. Bill Gates qui est numéro 3. Il y a Roger Federer qui est numéro 2. Steve Jobs numéro 6. Il y a Bono en 8ème place quand même aussi. Il y a Julie de Fun Radio qui est en 1967ème place. Oh non, elle n'est pas sympa. Oui, c'est vrai. Angelina Jolie 12ème. Barack Obama 14ème. Il y a qui aussi où est-ce qu'il est?

matin. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Ouais, on fait ce qu'on peut. Il y a juste une info qui vient d'arriver là. Apparemment, il y a eu un accident après la centrale de Huy. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, faites attention. L'accident, levez le pied et éventuellement, bah, changez de chemin. Voilà, tout simplement. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, n'hésitez pas non plus. 30-44 par SMS et 50 centimes le message ou alors sur le mail mikl@funradio.be. 8h31 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec July. Salut à tous, à 17h35, heure belge, le président palestinien Mahmoud Abbas remettra la fameuse demande d'adhésion à l'ONU d'un État de Palestine. Cette initiative divise et suscite de vives tensions diplomatiques dans le monde. Israël y est farouchement opposé et les États-Unis brandissent leur droit de veto. Toujours pas d'accord sur la loi de financement chez nous. Les négociateurs se sont quittés hier à 1h du matin. Francophones et flamands s'affrontent encore. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations sur la loi de financement et sur l'autonomie fiscale. Tandis que le rendez-vous entre le formateur Elio Di Rupo et Yves Leterme concernant le budget 2012, ce rendez-vous a été reporté. Il devait se voir aujourd'hui pour définir le partage des rôles dans la confection du budget. Selon Yves Leterme, le gouvernement déposera au Parlement un projet de budget pour le 17 octobre plus tard, date du prochain sommet européen. Les bourses ont une fois de plus chuté hier chez nous. Le Belvin a perdu 5%, plus mauvaise journée depuis octobre 2008. Face à cette situation, le G20 promet une réponse forte à la crise et de soutenir la croissance. Les 20 économies les plus puissantes de la planète promettent également de s'assurer que les banques disposent d'un capital adéquat. Un élève sur deux est en échec en maths. En juin dernier, les élèves de deuxième secondaire ont subi une épreuve externe et certificative appelée CE1D. Et qui portait sur deux matières, le français et les mathématiques. Les résultats sont plutôt interpellants. Pour le français, ça va plutôt pas mal. Le taux de réussite est de 76,4%. Mais par contre, en mathématiques, près de la moitié des élèves, 49,6%, ont échoué. Le 101 en grève ce matin. Les téléphonistes des centrales 101 se croisent les bras pour dénoncer la charge de travail consécutive au manque de personnel. Les appels seront donc traités par les policiers eux-mêmes, entraînant des retards dans les traitements des appels selon les syndicats. Dès janvier prochain, le système des gardes médicales va changer pour 370 wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Désormais, les patients malades ne feront plus appel à leur médecin de famille pendant les périodes de garde, mais ils devront eux se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste existe depuis plusieurs mois ou années en Wallonie et en Flandre. Mais la future réorganisation est marquante car elle touche 61 communes. Et puis enfin en sport, tennis, Xavier Malisse s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Metz en France. Il affrontera l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 20e mondial. 8h33 sur Fun Radio, bienvenue si vous débarquez, c'est la météo maintenant. Après la dissipation des nappes de brume et de brouillard, c'est le soleil, Mickaël, c'est le soleil qui va s'imposer. Les nuages seront déjà de retour sur le nord du pays en soirée. Température jusqu'à 20 degrés ce week-end, sortez les saucisses. Couvert aussi. La crème solaire, il va faire beau jusqu'à 23 degrés même dimanche et on nous parle de jusqu'à 27 degrés lundi. Je vais harceler Julie si on n'arrive pas à la température qu'elle a annoncée. Est-ce qu'il n'y a J'en pas le soleil sûr. Je vais la défoncer tout le week-end. Ah oui Julie, il n'y a toujours pas la température annoncée. C'est pas moi qui fais la météo. Oui, mais tu la donnes, c'est encore moi pire. Moi je la rapporte. Oui, bah c'est encore pire. Je suis une balance. Exactement. 8h34 sur Fun Radio, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant à 8h34. Ça mesure une dizaine de mètres, ça pèse près de 6 tonnes. Qu'est-ce que c'est? C'est le fameux satellite géant, grand comme un bus, qui va tomber sur la Terre aujourd'hui. On nous en parle depuis quelques jours. Difficile de savoir où et à quelle heure l'engin va arriver, mais selon la NASA, il n'y a que 0,03% de risque qu'un humain soit touché par cette pluie mécanique. Et selon TOF, il va arriver en Belgique. D'ailleurs, on appellera des gens tout à l'heure encore pour les prévenir. Oui, il faut prévenir les gens. Alors, ce satellite a été mis en orbite en 1991 par la navette Discovery pour étudier la haute atmosphère, mais bon, à un moment donné, faute de carburant, il va retomber sur la Terre, quoi. Exactement, ouais. Donc apparemment, il tomberait sur la Belgique d'après TOF, donc on verra tout à l'heure comment ça va se passer. Oui, il va tomber. On appelle chez vous. Peut-être. On appellera peut-être. Des gens encore. Si vous avez des numéros de gens qui sont un peu peureux, là, un petit peu vite énervés, n'hésitez pas à nous les transmettre. Hein. Vous faites le 3044 par SMS ou emmickaël@funradio.be. Vous nous donnez le numéro de la personne qu'on doit appeler et puis on essaiera d'appeler. On a appelé à Beaussin tout à l'heure, à Durbuy aussi. Et Jennifer Lopez, qu'on va écouter maintenant avec Papy sur Fun et juste après, la réponse à la question qui colle. Ah. Beaucoup de mauvaises réponses, hein. Énormément de mauvaises réponses. Eh oui, c'est on va garder le cadeau, je peux avoir le cadeau alors? Non, pas du tout. Il y a un message qui dit pourquoi je gagne jamais de cadeau, je participe à chaque fois quand j'entends une question et ça me bousille le moral de jamais gagner. Oh. J'ai le même problème avec l'euro million. C'est vrai. D'ailleurs, ce soir, j'ai décidé de ne pas jouer. Fuck l'euro million. Non, j'y crois pas. Non, je ne vais pas jouer. Je ne jouerai pas. Eh oui, c'est ça. C'est pas la peine de me tenter, je ne jouerai pas. Tu vas jouer. Je ne jouerai pas. Même les joueurs gagnés? Beaucoup. Bon, je vais jouer. Le son de Jennifer Lopez sur Fun Radio à 9h-20, c'était Papy. Et voilà, tous les matins sur Fun Radio, nous sommes là en direct avec vous toutes et vous tous, partout en Belgique. J'espère que vous êtes nombreux derrière votre radio. C'est Mickaël à la radio pendant encore une heure. Et nous avons qui avec nous maintenant pour donner la réponse à la question qui colle? Nous avons Cédric, 30 ans de Hans. Salut Cédric, 30 ans de Hans. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, bah tant mieux. Tu la tiens bien? La Hans, j'imagine bien. Bon, dans 99 FM pour écouter Fun dans le coin. Alors, Cédric, tu as la réponse à la question qui colle. Quelle est la personne, l'homme le plus respecté du monde? Nelson Mandela. Exactement, oui, tout à fait. Eh oui, c'est pas mal. C'est Nelson Mandela également qui est dedans. Elisabeth II qui est classée 10e quand même. Il y a qui aussi qui c'est est marrant dedans. Parce que c'est la vieille, enfin elle doit plus avoir aucune influence. Hein. Bah ouais, je suis bien. Bon, 24e place, David Beckham. Il y a Benoît XVI aussi en 26e position. Madonna en 29e position. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, David Cameron, 34e place. Comme quoi, hein. Charles d'Angleterre, 39e place. Lady Gaga, on en parlait tout à l'heure avec Julie, tiens, 41e place. Bill Clinton qui est dedans également à la 40e place. Et Nicolas Sarkozy, le président français, 46e quand même, ah ouais, c'est quand pas même, mal. Ouais, hein. Bon classement. Et même George Bush est derrière, avec 50e place, pardon. Ouais, mais lui, il sert plus à grand chose. Alors, Kim Jong-il, 54e, alors voyons. Qui? Kim Jong-il. Kim Jong-il. C'est difficile à dire quand même. Hein. C'est pas facile. Bon, eh ben, écoute, bravo à toi Cédric, hein. C'est gagné. On va t'envoyer des cadeaux chez toi très rapidement. Merci beaucoup. D'accord, salut à toi et passe une bonne journée. Merci, à bientôt, bye bye. Bon, et eh ben voilà une bonne chose de fait. Dans un instant, la devinette qui colle, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. On parlera de l'infotrafic, on ira faire un tour du côté de la ligne anti-relou et côté musique sur Fun Radio. C'est Sarah qui arrive avec Shaggy. Sarah et Shaggy, c'est Champagne sur Fun Radio, ça arrive dans quelques instants. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 8h45 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. On fait un tour du côté du trafic avec un petit message qui vient d'arriver aussi sur le 25 direction Liège, bouchon de Arzé à Sprimont à cause des travaux. Donc voilà, faites gaffe si vous êtes dans le coin. D'autres infos trafic aussi? Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen en direction de Grand Bigard. Deux bandes sont fermées à la circulation. Toujours sur le ring extérieur, véhicule en panne à hauteur de Strombeek-Bever. Concernant l'accident sur le 411 Bruxelles Namur en direction de Luxembourg à hauteur de Restaigne, la chaussée est libre. Ça recommence à rouler, il y a encore 1 km de fil. Et puis perte de mazout sur le 40 Bruxelles-Liège en direction de Aachen, donc à hauteur de Orsard. L'accès est fermé, la situation est dangereuse. L'accès numéro 34, donc Orsard qui est fermé. Voilà, c'est Aachen, non? Oui, ou Aachen. Aachen, oui. Aachen, je pense. Ah, c'est parce qu'elle veut dire Aachen in the Netherlands. Ouais, et en fait, elle a fait le français. Ouais, et donc, c'est parti dans le couille. Hein, j'ai un peu du mal. Ouais. C'est un peu parti dans le mauvais sens. Bon, voilà, bah, c'est pas grave. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, et bien venez nous en parler également. 30-44, c'est 50 centimes le message. Radar, bien sûr, bouchon. Je pense qu'on dit Aix-la-Chapelle aussi. Aix-la-Chapelle aussi, ouais, c'est vrai, mais bon. Et donc, pareil, vous 30-44 ou sur emmickaël@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Bon, et tous les matins, évidemment, il y a la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages laissés sur cette ligne, sur le répondeur qui a un numéro. Et ce numéro est le suivant, 0473-86-00-13. C'est un numéro à retenir, surtout pour vous les filles, puisqu'il sera à donner, bien sûr, à tous les relous que vous allez croiser ce week-end en boîte, dans les bars, au resto, avec des copains, des copines, peu importe. Donc à la place de lui donner votre numéro de téléphone pour vous en débarrasser le soir même, mais le récupérer le lendemain, eh ben vous donnez notre numéro de téléphone et nous, on se charge charge de tout. 0473 86 0013. On se charge surtout d'écouter les cassos qui sont sur le répondeur. Allô, Bruno, tu m'as donné rendez-vous, mais personne n'a arrivé. Je sais pas, je m'a posé la fin, je sens qu'il y avait un bon feeling entre nous. Je comprends pas. Tu veux me contacter, tu t'es donné mon numéro, je peux le jouer à toute heure, de la nuit même, pas de soucis. Bisous. Ah bah lui, t'inquiète bien. Bisous. Bonne humeur. Mais oui, mais tant mieux. Voilà. Constant. Tout à fait. Allez, numéro. Message suivant, laissé sur la ligne anti-relou. Tiens, bonjour, c'est Sarah au téléphone. Juste, je voulais savoir comment ça s'était passé hier. Et comme je ne sais pas si tu viens cet après-midi, tu peux m'appeler. Je suis à la maison, je corrige les doigts. Voilà. Bonne journée. Au revoir. On dit, c'est pas plutôt sa mère? Alors, je la ne mère, sais pas. La mère du mec. Non, parce que si à ta mère tu donnes un numéro. Bah oui, je sais bien. Je sais, mais c'est tendu quand même. Ça serait quand même abusé. Parce que tout à l'heure on avait pensé que c'était sa prof, mais on sait pas. Bon, troisième et dernier message. Oui, c'est Francis. Tu m'as donné rendez-vous devant la société Electra à Grasse-Hollande. Donc je suis là comme prévu. Ça fait déjà une heure que je t'attends. Je suis là dans ma grosse Audi. Alors ça va. Ça te fait plaisir d'aller faire un petit tour dans la voiture. Comme ça, on passera un petit peu dans ton quartier. Et voilà, comme prévu, quoi. Ok ? Allez, merci, salut. Hein. Écoute, Francis, salut, maintenant que tu as dit que tu avais une grosse Audi, ça intéresse également Julie. Hein. Pas du tout. Alors là, vraiment, si les mecs, si vous pensez que vos grosses voitures nous impressionnent, comme alors elle aime là, bien, vous vous trompez, mais elle, complètement. Elle quoi. Aime bien les grosses voitures, là. Parce que ouais. Regardez, moi, ça a marché. J'ai demandé la voiture d'un copain à prêter, là, une grosse voiture. Je suis venu me dire, ah, quelle belle voiture, Mickaël. Tu roules toujours dans des grosses voitures. Ça, arrête un peu. La C2, c'est une grosse voiture? Non, mais la C2, c'était exceptionnel. C'est ça, ouais, t'as raison. Ouais. C'est-à-dire que si on compte le nombre de grosses voitures par rapport à la C2, c'est un jour dans l'année. C'est parce que j'ai des amis qui ont des grosses voitures et qui me les prêtent. Donc pour l'instant, ouais. Tout va bien. Tu n'as rien, toi. Non, j'ai pas de voiture. Pour le coup, c'est alors qu'il faut dire la vérité, il est dans l'import-export de voitures volées. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, ouais. Voilà. Il a voulu bien le passer et heureusement, ils ne l'ont pas découvert. Heureusement. Bon, 8h50 sur Fun Radio, attention, la petite devinette qui colle. Attention, c'est une devinette courte, mais une devinette qui a peut-être un piège ou pas. Ça dépendra évidemment. Que boit une vache? Voilà. Et je donne deux possibilités ou je non, donne bah, non, attends, ça va. Voilà, que boit la vache? La bonne réponse vous fait gagner peut-être un écran plat ou des places pour le parc Astérix. Vous envoyez votre réponse au 6322, c'est 1€ le message. Que boit la vache? Allez, bonne chance tout le monde. Question courte, ça a l'avantage au moins. Ah, on risque pas de foirer dans l'énonciation. On écoute le son de Sarah maintenant avec Shaggy, c'est Champagne sur Fun Radio. Une chose est sûre, un indice, la vache ne boit pas le champagne. C'est sûr. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je te le dis, je pense que c'est ça. On entend une petite coupette comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être un événement. C'est vrai, peut-être. Le son de Sarah sur Fun Radio à l'instant avec Shaggy, c'était Champagne. Dans un petit instant, c'est Lucenzo qui arrive avec Don Omar et ce sera Danza Kuduro comme tous les matins. Nous sommes en direct avec vous bien sûr et toujours la devinette qui colle pardon pour les écrans plats ou pour les places pour Astérix, c'est que boit la vache. Donc on a dit c'était pas du champagne, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message, bonne chance. On vous rembourse vos factures aussi dans moins d'un quart d'heure et puis on va continuer à faire peur aux gens tough, hein. Non, peur, non, moi je veux les sauver, c'est sauver leur vie de l'écrasement sous le satellite. Oui, donc Toff a entendu dans les infos de Julie qu'un satellite allait tomber sur la Terre, du coup il appelle pour dire que c'est sur leur maison que ça va tomber, donc il vaut mieux qu'ils se barrent, etc. Ouais, etc. Mais c'est quoi. Ça, mais ça va les réveiller. De toute façon, même si c'est pas vrai, ça va les réveiller, ça va les mettre de bonne humeur pour la journée, ils seront en pleine forme. Exactement. Bon, donc on nous avait proposé Durbuy tout à l'heure et là on peut aller à Montigny-sur-Sambre. Ah, Montigny-sur-Sambre. Bon, allez, Montigny-sur-Sambre, alors c'est parti, on y va. Je sais pas où c'est. Il y a une petite réponse qui est arrivée, donc que boit la vache? La vache ne boit pas. Oui. Non, si, elle boit quand même. Non seulement elle ne boit pas, elle ne mange pas non plus. Vous donnez quand même un indice. Elle ne fume pas, la vache ne fume pas. La vache ne fume pas non plus, ouais. C'est vrai. La vache ne se drogue pas. Voilà, non, ça on sait pas. Avec l'air qu'elle consomme, on sait pas. C'est sûr, ouais. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant en direction Montigny-sur-Sambre pour leur faire croire que le satellite va leur tomber sur la tronche. Ne vaut pas de coca non plus. J'ai peur. J'ai déjà peur pour eux. Pour qui? Pour le satellite? Enfin, pour les habitants de Montigny-sur-Sambre. Il leur fout la trouille. Mais non. Allô? Oui, allô, madame! Madame, c'est dramatique! Le satellite américain, il va tomber sur votre maison! Qu'est-ce que ça pour raconter? Il faut pas rester chez vous, madame. Le satellite, vous avez pas vu à la télé, il y a un satellite, il va tomber. Eh ben, ils savent maintenant, c'est chez vous. Il faut pas rester chez vous, faut partir, madame. Ouais. Mais oui, madame, c'est dramatique. Ça va tomber, faut pas rester chez vous. Faut partir. Ouais, ben... Je vais me remettre dans mon lit. Mais non, madame, pas dans votre lit. Vous allez vous faire écraser. Taisez-vous, allez. Mais madame, je ne rigole pas. Le satellite, il tombe. Il tombe vite, il faut partir, madame. Oui, ben, allez, partez-vous toujours. Je vous suivrai. Mais madame, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Un satellite, 200 tonnes sur votre maison, il va rien rester. Eh ben, on verra bien. Comment est-il possible qu'on peut éveiller les gens au matin comme ça, par des bêtises? Ah oui, avec des bêtises, effectivement. Mais les gens n'ont pas bêtises. Peur, hein, tu... Bah, ils ont pas peur et c'est dommage, parce que t'imagines, t'appelles vraiment pour leur annoncer une catastrophe. Bah, j'en ai rien à foutre, hein. Qu'est-ce que vous m'emmerdez à chercher, là? Qu'est-ce que vous me réveillez? Hein, on n'a pas idée de réveiller les gens à cette heure-là, là. Alors qu'il pourrait y avoir un gros drame. Et bien, du coup, à cause de ce con de Toff, les gens, la prochaine fois, vont dire, bah, c'est encore un canular. Ouais, c'est vrai. Et c'est voilà. Dommage. Et les gens mourront à cause de toi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est dommage, hein. Très. Ah oui, c'est ballot. Bon. Dans un instant, l'info qui arrive. Qu'est-ce qui arrive encore? Non, mais sans commentaire. Ah, c'est parce qu'elle travaille sur ses infos. Elle vient de voir une info géniale qui l'a fait marrer. Des hommes sont morts. Quoi? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. C'est juste que je vous écoute comme ça d'une oreille et je me dis. Et ça te fait rire. Bah, c'est le principal, c'est le but. Non, mais c'est pas dans le sens que tu voudrais que ça me fasse rire. Mais bon, c'est pas grave. Te casse pas, on a compris, Eva. T'es fan de nous. Oui, bah, alors là, complètement. Mais pourquoi tu crois que je viens ici tous les matins? Mais je le sais, elle vient gratuitement, pour le savoir. Vous observez. Ah oui, ça c'est presque, pratiquement gratuitement. Il faut le savoir. Bon, alors, on va revenir dans un petit instant. Message qui dit nos gueules de con au bord de la route. Pas compris le message qui vient d'arriver, mais je suis... probablement d'accord mais avec toi. Mais c'est sympa. C'est très sympa. L'info de Julie arrive dans un instant. Et je vous l'ai promis, le son de Lucenzo avec Don Omar. Danza Kuduro. Et si vous voulez écouter tout ce style de son, rendez-vous ce soir dès minuit sur Fun Radio dans l'Invasion Latina avec Manu. C'est juste après Keep It Real. Ne bougez pas. Fun. Nickel à la radio. Reviens juste après ça. Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans Mickaël à la radio. Allô ? Bonjour Stacy. Alors attention, nous allons vérifier maintenant si tu repars avec le voyage ou pas. Bon, eh bien bravo Stacy, tu repars avec tes places, direction Ibiza. Place pour le Pacha, tu as également ton hôtel 3 étoiles avec le petit-déj et bien sûr les billets d'avion, tu pars avec la personne de ton choix. Ne t'inquiète pas, c'est si je suis disponible. Mickaël lui a offert un voyage tout frais payé pour Ibiza. Avion, hôtel, petit-déj et place pour la boîte le Pacha. Qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous. Fun Radio, le son dance floor. Il est 8h59 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. On cherche toujours la réponse à la devinette qui colle. Enfin, on la cherche. Il y a beaucoup qui l'ont trouvé. Bon, on va faire un tirage au sort dans un instant. Que boit la vache? Voilà. 63-22. Et message qui est arrivé. Une réponse qui nous a fait beaucoup rire. Oui, c'est vrai. Pour la devinette, la vache boit de la vodka rouge. Ah, non, pardon, c'est ma femme. Ah, oh là là, signé le mec de Julie. Non, pas du tout. Il te traite de vache. Ça, ça m'étonnerait. C'est dégueulasse. Non. Si j'étais toi, je l'appellerais direct, je l'embrouille. Ouais, on l'appelle en direct si tu veux. Mais bah, je sais que c'est pas lui, donc arrêtez. Lui, il me respecte, il m'aime et je suis une sirène pour lui. Oh merde, il faut que je mette un peu de pub. Oh là là. Allez, après la meilleure vanne de la matinée, les infos maintenant avec Julie la baronne. Salut à tous, à 17h35, heure belge, le président palestinien Mahmoud Abbas remettra la fameuse demande d'adhésion à l'ONU d'un État de Palestine. Cette initiative divise et suscite de vives tensions diplomatiques dans le monde. Israël y est farouchement opposé et les États-Unis brandissent leur droit de veto. Chez nous, toujours pas d'accord sur la loi de financement. Les négociateurs se sont quittés hier à 1h du matin. Francophones et flamands s'affrontent encore. Ils se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations. Tandis que le rendez-vous entre le formateur Elio Di Rupo et Yves Leterme, le premier ministre démissionnaire, concernant le budget 2012, eh bien ce rendez-vous a été reporté. Normalement, il devait se voir aujourd'hui pour définir le partage des rôles dans la confection du budget. Selon Yves Leterme, le gouvernement déposera au Parlement un projet de budget pour le 17 octobre plus tard, date du prochain sommet européen. Les bourses ont une fois de plus chuté hier. Le Belvin a perdu 5%, plus mauvaise journée depuis octobre 2008. Face à cette situation, le G20 promet une réponse forte à la crise et de soutenir la croissance. Les 20 économies les plus puissantes de la planète promettent également de s'assurer que les banques disposent d'un capital adéquat. Un élève sur deux est en échec en maths. En juin dernier, les élèves de deuxième secondaire ont subi une épreuve externe certificative appelée CE1D et qui portait sur deux matières, le français et les mathématiques. Les résultats sont plutôt interpellants. Pour le français, le taux de réussite est de 76,4%. Bon, ça va encore. Mais en mathématiques, près de la moitié des élèves, 49,6%, ont échoué. Le 101 en grève ce matin. Les téléphonistes des centrales 101 se croisent les bras pour dénoncer la charge de travail et le manque de personnel. Les appels seront donc traités par les policiers eux-mêmes, entraînant des retards dans le traitement des appels, selon les syndicats. Dès janvier prochain, le système des gardes médicales va changer pour les 370 000 Wallons des zones dinantaises et luxembourgeoises. Désormais, les patients malades ne feront plus appel à leur médecin de famille pendant les périodes de garde, mais ils devront se rendre dans l'un des 7 postes de garde médicale qui seront mis en place sur ce territoire. Ce type de poste existe depuis plusieurs mois ou années en Wallonie et en Flandre, mais la future réorganisation est marquante car elle touche 61 communes. 9h03 sur Fun Radio, bienvenue si vous débarquez. Passons maintenant à la météo. Après la dissipation des nappes de brume et de brouillard, pas du tout, c'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui. Mickaël, arrête avec tes bruitages d'orage, tout ça est derrière nous. Même si quelques nuages seront encore nombreux sur le nord du pays en soirée, température jusqu'à 20 degrés ce week-end. Tenez-vous bien, il va faire beau. Et jusqu'à 23... Non, beau. Jusqu'à 23 degrés dimanche et on annonce même jusqu'à 27 degrés lundi, mais bon, ce sera à vérifier, bien sûr. Bon, déjà, on va voir si ce que tu annonces, les brumes matinales vont vraiment se barrer, parce que pour l'instant, ça rend vraiment pas compte. Hein. Oh, il y a limite du brouillard, hein. Tu dis, Tof ? Bah ouais, c'est plein soleil. Dites-nous chez vous, est-ce que c'est comme Julie dit, ce qui fait beau ou pas ? 30-44 par SMS ou sur le mail ? Vous êtes tous contre moi. Je suis sûr, les mecs en Afrique, ils ont pas un soleil aussi pétant que celui-là. Ça, c'est clair. Mais cela dit, au-dessus des nuages, il y a le soleil. Ah, tu vois ? C'est vrai, mais que au-dessus des nuages, malheureusement. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, on va vous rembourser vos factures sur Fun Radio, comme là, une facture qui est arrivée de 289€ pour remplacer le phare d'une voiture. Ah oui, bien une grosse voiture alors, à mon avis, hein. Enfin, un gros phare. Hein. 100€ pour l'inscription au foot pour le garçon, Mobistar, 42€, appareil photo à près de 400€ quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? 283€ pour l'assurance voiture, 400€ pour les huissiers, 178€ pour la société Wallonne des Eaux, 168€ pour des pneus, c'est Muriel, 219€ pour 8 tonnes de gravier. Ah oui, quand même. Hein. Bon, grande propriété. Ah oui, oui, oui, oui. Bah, quoi que 8 tonnes, ça va vite, hein, cela dit. Mais enfin bon. Bon, si vous voulez, vous aussi, qu'on tente de vous rembourser votre facture, ça se passera dans 5 minutes. Eh bien, bah, inscription, hein, dès maintenant, 63 22 par SMS, c'est 1€ le message. Débutez votre message par facture. Vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et dans 5 minutes, on appellera peut-être chez vous. Bon, l'info en plus, c'est quoi, July ? Eh bien, c'est que la musique d'attente au téléphone, c'est mauvais pour la santé. Ah. Une nouvelle étude démontre qu'attendre plus de 5 minutes et 58 secondes dans une file d'attente téléphonique accroît le stress. Donc 64% des personnes sondées affirment que leur colère est augmentée par la musique gênante qui est diffusée, soi-disant, il faut quand même le rappeler, pour nous calmer. Ouais, bah alors, tu parles. Les sons de la nature, le son de la flûte de Pan ou encore les airs de musique classique font partie du trio des musiques d'attente les plus détestées. Mais bien évidemment, mais c'est clair. Alors moi, ce qui me faisait assez rire, c'est bon, voilà, on s'en doute hein, que la musique d'attente, c'est pas super génial pour nous. Ça, bon, c'est quand même mauvais pour la santé puisque comme ça accroît le stress, mauvais pour le cœur, etc. Mais il y a quand même des chercheurs qui se sont penchés sur le problème. Donc ils ont perdu leur temps à se demander quel effet ça a sur nous la musique d'attente. Oui, mais parce qu'ils ont que ça à faire. Là. Il y a certains chercheurs qui n'ont que ça à faire. C'est quand même interpellant. Mais bien c'est sûr. une recherche scientifique. Tout à fait. Très importante. Tout est dans la science. Qui va changer la face du monde. Bon, certainement. Sinon, il y a Bethany qui dit il y a plein de brouillard chez moi. Sur Verviers, il fait gris. Je suis dans ma piscine tellement il fait chaud. Merci Julie, c'est Alex de Liège. Ouais, tu parles. Bah, Ben quoi. Je crois qu'il se fout un peu de toi. Après la dissipation des brumes et des brouillards. Oui, oui, oui, pas de problème. J'ai pas d'idée 6 heures du mat, grand soleil. Elle a pas précisé d'heure. De toute façon, c'est l'IRM qui me donne les infos, donc. Mais c'est vrai, j'ai pas précisé l'heure. Oui, merci. Voilà. Merci, Top. J'ai pas dit à quelle heure arriverait le soleil. Y a pas de problème, y a pas de problème. Je vous donnerai le numéro de Julie pour lui demander. Ou alors, comment ça se passe au niveau de la météo? Chez moi, il fait mauvais. Il est midi, je comprends pas. Vous enverrez vos réclamations à Julie. Ouais, pas de problème. Allez, on s'écoute Lucenzo et Don Omar maintenant. Danza Kuduro sur Fun Radio, 9h06. Bonne matinée, rencard ce soir d'ailleurs. L'invasion de Latina avec Manu dès minuit. 9h09 sur Fun Radio, on paye les factures. Tous les matins. Bon, on y va, 9h10 maintenant, c'est parti. Il est tout excité ce matin, c'est chouette, il est tout motivé comme ça. Il est chaud comme la braise. Je crois que la police lui a fait de l'effet aussi. Ben, peut-être, mais c'est parce que j'ai géré avec le policier. La prochaine fois qu'il vient, il vient avec des fliquettes. Ah, c'est pour ça qu'il frétille depuis ce matin. Parce qu'on part ensemble après. Mais oui. Qui ? Quoi, les fliquettes et toi ? Non, toi et moi. Ah non, non, ça non. Si, vous partez ensemble, vous allez. Non. Si ? Non. Si, on est ensemble, tu vas voir. Comment ça, je vais voir? Mais tu verras, c'est une surprise, il sera dans ton coffre. Quoi, tu dois aller. Oui, il doit aller au même endroit. Là où je dois aller. Ouais. Exactement. Bah oui, mais ça, c'est con. Quelle chance! Oh, ça va être beau! Ah oui. Tout cet amour, c'est une blague. On va s'embrouiller sur le chemin. Je vais devoir me taper tof sur le trajet, quoi. Laisse tomber! Oh, ça va être cool. Ah, tiens, message qui dit Julie, c'est tout notre soleil. Oui, bah oh, nous, on en a bien besoin aussi, hein, puisque vu le temps dégueulasse qu'il y a. Merci à toi qui m'envoie ces petits messages trop mignons. Allez, on paye les factures maintenant. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 6322. C'est sympa avec moi depuis ce matin. C'est ça. Mais oui. 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Si ça décroche et que la personne répond bien à la question, c'est-à-dire qui te paye tes factures tous les matins, deux réponses possibles, Fun Radio ou Mickaël, ça marche aussi, eh bien ce sera gagné. On va rembourser combien, Tof? 42€. 42€, très bien. On a remboursé beaucoup aujourd'hui. Enfin beaucoup. Deux réussis tout à l'heure, là, si on en fait une maintenant, là on partira bien en week-end. Bon, moins le boss de Fun Radio, mais nous ouais. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bon, qui te paye tes factures tous les matins? Ouais, c'est Fun Radio. Mais oui. Mais évidemment. Allez, c'est Fun. Bah voilà. Comment tu t'appelles? Alain, tu t'appelles, d'accord, ok. T'as quel âge, t'es dans quelle ville? 32 ans, je suis devisé, d'accord. Et tu es dans ton lit. Et tu es dans ton lit, apparemment, non? Effectivement, je viens de me lever. Oh là là, il y a un jour de la chance. Quel bol. 9h11, bah, est-ce que c'est le temps, là, quand même? La vie est belle, hein. La vie est très très belle. Bon, eh ben, écoute, on va te rembourser, c'est 49, c'est ça? 42€ pour quoi? Oui, c'est ça. C'est pour quoi? Mobistar, une facture Mobistar. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, eh ben, pas de problème, hein, on va te rembourser ça, il n'y a aucun souci. Merci. Mais je t'en prie, à bientôt. Salut à toi. Ah, bye bye. Tiens, en parlant de Mobistar, je voulais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un qui travaille à la comptabilité Mobistar nous écoute? Si oui, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi. Puisque, alors, je sais pas comment ça marche, mais bon, Mobistar me devait de l'argent. 60€ quand même. Mobistar, tu dois de l'argent. Oui, oui. Ça, par contre, c'est une nouveauté. C'est parce qu'ils ont prélevé trop. C'est comme l'électricité. En fait, lui, il fabrique des communications et il a Mobistar. Non, c'est pas ça. Mais non, mais ils m'ont prélevé trop. Non, je pose la question vraiment parce que je me demande s'ils se foutent de ma gueule ou si c'est juste. Ils se foutent de ta gueule. Je pense. Ah oui, certainement. Et donc, en fait, j'ai dû les appeler fois, à chaque fois ils m'ont dit oui, vous inquiétez pas, vous allez recevoir, je n'ai jamais rien reçu. Mm-hmm. Jusqu'au jour où je reçois deux avoirs de 30€ chacun. Ah bah ça va. Où il y a marqué voilà, vous avez un avoir. Ah oui, c'est alors tout. Que tu préfères avoir le pognon en cash. Mais non, mais je suis pas chez Mobistar, je fous de leur avoir, moi, j'ai rien foutre avec ça. Ah, t'es plus chez eux. Bah non, donc je sais pas quoi faire. Et quand je les appelle, ah oui, mais rassurez-vous, ce sera sur votre compte en banque. Donc rappelez-le moi d'ailleurs, je l'ai donné, donc ce sera dans 2-3 jours. Ça fait un mois. Oh bah ça va, tout va bien. Attends, mais attends, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes histoires personnelles? Je pose la question par rapport à Mobistar. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais si alors moi j'ai un avis à passer également. Je cherche une porte de voiture Polo, une voiture 5 portes, donc, date de 2004, je pense. Elle se fout de ma gueule, mais il y a un mois et demi, qui c'est qui faisait la promo pour trouver une porte pour sa voiture? C'est pour ça que je le rappelle. Bah voilà, sur Polystyle annonce FM, alors moi je cherche une blonde. Fille, si possible, c'est ça. C'est ça. Donc si vous travaillez à la compta de Mobistar, faites-moi un mail, mickaël@funradio.be. Une porte de voiture. C'est ça, bah vendez-la Julie. Non, donnez-la moi. Dans un instant, David Guetta sur Fun Radio. Avec Titanium. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Et restez bien là, il est 9h15 sur Fun Radio. Bon réveil. Dans un instant, on vous parlera de l'iPhone Donc restez bien là justement. Il y aura l'horoscope de Doudou également. Et je vous l'avais promis, on s'écoute maintenant le son de David Guetta et Saya. C'est Titanium sur Fun. David Guetta sur Fun Radio à l'instant avec Saya, c'était Titanium. Tous les matins, on est là en direct avec vous toutes et vous tous jusqu'à 9h30. Mais oui, c'était bien 9h30. Bon, c'est pas très grave. Dans il est un instant, pour rendre l'antenne, je pense. Ouais, aussi, ouais. Dans un instant, nous donnerons la réponse à la devinette qui colle. Que boit la vache? Oui. Donc que on l'a dit, ce n'est pas de la vodka rouge, hein, parce que c'était la femme de l'auditeur, a priori. Hein. La vache Milka, ça compte pas, parce qu'a priori, on boit des trucs un peu spécés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Exactement. Si vous avez la bonne réponse, écran plat à gagner, place pour Astérix. 63-22, n'hésitez pas. Et vous avez entendu tout à l'heure le double fun. Britney Spears. Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Yeah. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. Et c'est comme ça que ça se passe jusqu'à lundi, puisque lundi on appellera le gagnant ou la gagnante qui partira avec les places pour aller jusqu'à Paris tout frais payé. En attendant, c'est l'album à gagner et tous les sélectionnés. On va donc en sélectionner quelqu'un, sélectionner une personne supplémentaire. On appelle, je ne sais pas chez qui, mais on appelle. Même si on s'en rend pas bien compte, ouais, mais on appelle. C'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Hein. Donc les gens sont inscrits au 63-22 en débutant par Star avec leurs coordonnées complètes quand le double fun de Britney Spears est passé aux alentours des 8h. Et nous allons maintenant vérifier. Ça ne sonne toujours pas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète toujours. Je vais te donner mon numéro, tu vas voir, ça va pas sonner. Mais donne ton numéro à l'antenne, on t'appelle. Non, mais je vais le finir comme ça, moi je pourrais peut-être gagner. Oui, tu pourras peut-être. Moi j'ai pas le droit d'y aller. Non, bah c'est dommage quand même. Bon, ça marche pas, Tof, sinon fais l'horoscope, tant pis. Je rappelle. Oui, bah rappelle encore une fois, tiens. Ah ça y est. Non, ça ne marche pas. Non, bonjour. Marche. Ah, ouais. Oh merde. Vous êtes en contact. Oh non, répondeur. Bon bah tant pis, on rappellera dans 5 minutes. Du coup, bah, vous pouvez encore vous inscrire aussi si vous voulez être le dernier de la semaine à jouer. 63-22, débutez le message par Star tout simplement pour avoir une chance de repartir direction Paris pour assister au concert de Britney Spears avec le transport et l'hébergement. Fun Radio. L'horoscope. Bon allez, dernier horoscope aussi de cette semaine avec l'ami Doudou de nouveau qui est de retour évidemment. Doudou, alors oui. On va commencer par les béliers. Ah oui, comme ça, tout de suite. Ah ouais, comme ça, tout de suite. Là, ouais. Tout de suite. Bah, on oh est un peu là, à la bourre. Oh là là, oh là là. On est un peu en retard. Réglez aujourd'hui. Tout ce qui reste à faire si vous n'avez, même si vous n'en avez aucune envie. Les taureaux. Occupez-vous urgemment de votre vie privée. Hein. Ça ne peut plus continuer comme ça durer, ça n'est pas possible. Les gémeaux. Ce n'est pas facile d'entretenir l'amitié. Cela signifie qu'il faut savoir pardonner, même quand ça fait très mal au cul. Les cancers. Pensez aux gens qui ne sont pas aussi favorisés que vous. Les lions. Réfléchissez avant d'émettre des critiques et regardez-y à deux fois. Les vierges. Prenez vos problèmes à bras le corps et cessez de toujours tout reporter à plus tard. Les balances. Si vous n'êtes pas amoureux, ce pourrait qu'une rencontre se fasse aujourd'hui et que ça vous fasse tourner la tête. Les scorpions. Votre ego vous pose parfois des problèmes. Soyez plus ouverts. Les sagittaires. Concentrez-vous sur votre travail et prenez un peu de distance par rapport à vos collègues qui essaient de vous prendre la tête. C'est ça, les capricornes. Vous avez parfois tendance à être trop généreux. Venez me voir, j'ai besoin des sous. Tout à fait. Et les capricornes. Les verseaux, on a déjà fait les capricornes, les verseaux. Il se pourrait que le partenaire de vos rêves vous croise aujourd'hui. Eh oui, donc on sait jamais. Il faut hein. pas le laisser partir. Et enfin les poissons. Ignorez les mauvaises langues qui veulent jeter du discrédit sur vous. Mais oui, ils disent que des choses que c'est pas vrai, que c'est de la merde. Mais exactement. Bon, ben merci oui. Doudou, passez un bon week-end. Mais ben oui, de même, là, je vais aller me reposer. Bah ben oui, ben j'imagine bien. Là, rendez-vous là, lundi. Là. Dans un instant, on appellera le ou la gagnante pour Britney Spears, du coup, puisque celle-ci n'a pas décroché tout de suite. Oh et on donnera la réponse aussi à Que boit la vache, juste après le son de Gym Class Heroes, maintenant avec Adam Levine. C'est le chanteur des Maroon 5, c'est Stereo Heart. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé. Il est celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Qu'est-ce qu'il est bon, nouveau son de Gym Class Heroes à l'instant sur Fun Radio. Britney Spears. Hi, this is Britney Spears with you on Fun Radio. Fun Radio vous offre les ultimes places pour le concert de Britney Spears. Allez, c'est parti, on remet le couvert maintenant. Ça n'a pas décroché tout à l'heure, mais on va pas en rester là. Hein. On rappelle quelqu'un d'autre maintenant pour les places pour le concert de Britney Spears pour aller à Paris, tout frais payé. Le tirage au sort aura lieu lundi dans l'émission entre 6h et 9h30. Et donc là, on vous appelle pour vous présélectionner. Le numéro et... que vous avez composé, c'est pas vrai. Non, c'est moi. Donc, et là, vous gagnez quoi qu'il arrive, l'album de Britney Spears, donc c'est Femme Fatale. Non, mais n'essayez pas de dire ça avec une voix sexy, Mickaël, ça ne fonctionne pas. Chez toi peut-être parce que t'es frigide, mais chez les autres. Non, c'est juste que moi j'ai l'image avec le son et du coup ça me bloque. Mais bien justement, tu sais, il y en a plein. Moi-même parfois je devrais me mettre un miroir pour me voir quand je parle. Quoi ça <sonne. rire> Bon, allez. Oh mon dieu. Ouais, ça sonne, mais est-ce que ça décroche? Ça fait le malin là, mais je sens, pas... tu peux gagner un voyage à Paris tout frais payé pour aller voir Britney Spears, t'es même pas à côté de ton téléphone. C'est vrai. Si tu veux, moi je m'appelle et possible. Tu vas voir que ça décroche. Ah, ah non, ça n'a pas décroché. J'ai encore ma sœur hier. Que... Oh non, mais c'est le local de Mélissa Pascal. Je ne suis pas là pour l'instant, mais n'hésitez pas à laisser un message. Attention, c'est un message à 9h22. Ça s'appelle-t-elle Mélissa ou Pascal? Je ne sais pas. Mélissa, à mon avis. Allô Mélissa, c'est Mickaël, t'étais sur Fun. Merde! Bah voilà, on t'appelle pour Britney Spears et tu passes à côté, c'est dommage. Et bah Mélissa. Passe une tant bonne journée. Toi. Tant pis pour toi, exactement. Ouais. Bon, on remet le couvert, on va y arriver. Hein. Allez, on va y arriver. Moi, sûr qu'on va y arriver. Je rappelle le dernier message. Voilà, qui vient d'arriver là, juste maintenant. Donc, sinon, il y a un message de ma sœur également à tous les auditeurs de Fun qui m'a dit mais qu'est-ce qu'ils sont cons de s'inscrire pour le jeu des factures et de ne pas décrocher. Ma mère m'a dit pareil. Parce qu'elle me dit mais moi, même au chien, je prends mon téléphone. N'existe pas, dit la même chose tout à l'heure. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Thierry. Eh bah Thierry, tu repars avec l'album de Britney Spears, Femme Fatale. Oui. Mais surtout. Ouais. Et surtout la possibilité d'être tiré au sort lundi, voilà. Évidemment. Voilà, qui est vraiment intéressant. Lundi, on te rappellera peut-être en direct sur Fun Radio pour te filer tes passes pour aller au concert de Britney Spears, tes billets de train pour aller à Paris gratos et évidemment ta clé pour la nuit d'hôtel, histoire de dormir et de pécho éventuellement sur place, on sait jamais. Est-ce que Thierry... avec des cartes, non, non, non, ce sera avec ma femme. Ah, avec ta femme. Oh, oh, là, trop là. Mignon. Quelle perte de temps. Ouais. Est-ce que Thierry peut dire merci à Mélissa qui est toujours en attente? Ah oui, c'est vrai. Tu peux dire merci à Mélissa parce qu'on est toujours sur son répondeur. Là. Ouais, Mélissa, je te fais des gros bisous. Tant pis pour toi. Et merci encore à vous. Eh ben de rien. Bon, bah écoute, passe un bon week-end, une bonne journée aussi et peut-être à lundi alors. Salut, à lundi, bisous, ciao. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon bah voilà une bonne nouvelle, tiens, ça y est, c'est plié ça. Bon maintenant on va appeler le gagnant aussi pour la devinette qui colle. Parce que là aussi du coup on est en retard avec tout ce qu'on a perdu comme temps là ce matin à cause de Julie et sa bouffe. Quoi? Bah oui, t'as tellement mangé là, on a fait les affaires retard, du coup tout a été oui, décalé. Tout est de ma faute comme d'habitude. Mais oui, tu sais pas assumer tes propres. Et si je puis me permettre, il est 9h30, il n'y a toujours pas de soleil. Après la dissipation de la brume matinale, j'ai. Ouais, bah, enfin bon, le matin, si tu veux, il y a un moment. Hein. Là, quoi, c'est la brume que tu vois sur la tête là. Ah oui, moi je vois du gros brouillard. Bonjour Stéphanie, mais c'est pas vrai. Je vous rappellerai tout. Non mais attends. Voilà Stéphanie. Bah, salut pis, Stéphanie, on t'appelait pour la devinette qui colle. Tu as perdu Stéphanie. Tant pis Stéphanie, gros bisous Stéphanie. On a fait des cadeaux Stéphanie. Allez hop là. Du coup on n'a pas le temps de parler de l'iPhone, bah, c'est pas grave, tant pis. On écouterait peut-être dans le warm-up lundi matin entre 6h et 6h30. Ou peut-être ce week-end. On va mettre sur le site. Ouais voilà. Ou peut-être ce week-end également dans le replay puisque ce week-end nous serons présent également avec Toff et Julie, bien sûr, oui, samedi et dimanche. Virtuellement, parce que nous serons quand même dans notre nuit. Oui, ce sera le best-of, ce sera le replay, voilà, les meilleurs moments de la semaine. Pas de week-end, hein. Entre 7h et 10h. Regarde là, c'est la fonctionnaire. Là. Attends, il est malade le mec là. Tu devrais bosser RTBF. Je crois que c'est ce qu'elle fait un peu déjà. Tu serais bien là, non? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Salut Anthony. Salut Anthony, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Coupe ta radio, je crois qu'il le sait. Ouais. Coupe ta radio, Anthony. Tu as compris là. Ouais, je pense, ouais. Bon, voilà. Alors, Anthony, tu as la réponse. Qu'est-ce que boit la vache? Enfin, que boit la vache? De l'eau. Eh oui, de l'eau. Il y a qui a répondu du lait, évidemment. Oh, les gars, cette devinette est vieille comme le monde. Oui, peut-être, mais Julie a failli se tromper quand même. Hein. Moi? Mais pas du tout. Mais... Oui, bien sûr. Ah, voilà, tu vois, elle l'avoue. Eh oui. N'importe quoi. La peau, elle va faire venir la vie. Tu vois, je me bats. Ouais, non, il est possible qu'il n'y ait personne lundi pour faire les infos. Bon, on va le faire, hein. Bah oui, ouais, ah bah tiens, j'attends après voir ça. La brume matinale, il y aura le soleil, blablabla. La météo déjà, tu dis que de la merde. Donc après, on prend 2-3 infos dans le journal et ça va aller, bon, ça hein, va faire un journal. Ah bah bon, ouais. Bah bravo à toi, Anthony. Tu restes au standard. On va t'offrir soit la. Je vais y arriver. L'écran plat, voilà. Soit les places pour le parc Astérix. Tu gères ça au standard, d'accord? Merci pour mon bien. Salut, ciao à toi. Salut. À bientôt. Et mes message qui est arrivé. Coucou Julie. Julie, le soleil commence. Coucou Julie. C'est Julie. Coucou Julie, le soleil commence à sortir à Verviers. Et oui. Voilà. Et ben voilà, ouais, mais ça fait une ville sur toutes les autres. Profitez en bien à Verviers. Et ben tant pis, déjà au moins Verviers est sous le soleil et ça c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu loin pour aller chercher le soleil. Ça aussi. Bon allez, passez un bon week-end tout le monde. Rencard demain et dimanche aussi avec le replay de l'émission entre 7h et 10h et nous on se retrouve en direct dès lundi 6h. Ciao tout le monde. Week-end, bye bye. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.